Pierre Jovanovic. Revue de presse économique internationale, du mercredi 2 octobre 2013, sur Radio Ici et Maintenant. Durée, 2h37. Fichier audio fourni par MP3 Résistance. Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM, sur internet ici-et-maintenant.com, la revue de presse internationale avec Pierre Jovanovic. Pierre, bonjour. Bonjour Lisandre. Alors c'est le premier numéro de cette revue de presse économique internationale, nouvelle formule on peut dire, sans Laurent. Oui, parce que c'est la seule nouveauté en fait. Oui, c'est la seule nouveauté, oui. Sinon le reste exactement sera pareil. Mais voilà. Bon, c'est toi la nouveauté. C'est moi la nouveauté. Donc j'espère que je serai à la hauteur de mon prestigieux prédécesseur et que voilà ma présentation, ma co-animation de cette revue de presse sera à la hauteur. Alors Pierre, tu nous reviens de Grèce. Voilà, et là, je reviens de Grèce et j'ai vraiment assisté à Tintin et les Picaros là. J'étais vraiment dans le cœur de l'action. J'ai assisté à l'histoire en fait, hein, une partie de l'histoire européenne et grecque, hein, puisque j'ai assisté en fait à l'arrestation de Nikos Mikaliolakis, qui est donc le chef du parti nazi grec. C'est pas rien. Hein. Le parti obdoré. Oui, le parti obdoré. Et ce qui était absolument extraordinaire, c'est qu'en fait, j'avais vraiment l'impression. Quand on dit que l'histoire se répète, là, j'avais vraiment le sentiment de revivre l'histoire, quoi. C'était 1935, 36, 37, avec l'avènement de Hitler, la montée en puissance d'Adolf Hitler, ben là c'est exactement la même chose, je l'ai souvent dit ici à cette émission. Et donc ils ont quand même réussi le tour de force de répéter l'histoire, c'est-à-dire d'arrêter Mikaliolakis pour des fausses raisons en fait. Hein, c'est des fausses raisons que j'explique en long et large en travers sur quotidien.com. Il y a pas mal de photos, tu les as vues, je pense, c'est quand même assez marrant. Et alors, donc ils sont sortis du commissariat central, donc ils ont insulté copieusement les journalistes, ils nous ont même craché dessus, pour te donner une idée, l'amour qu'ils portent à la presse. Et contrairement, alors là c'est marrant parce que j'avais écrit lundi ou dimanche, hein, parce que j'avais fait un spécial direct d'Athènes sur quotidien.com. J'avais écrit qu'ils seront libérés au bout de 48 ou 72 heures au moins, hein, alors que mes confrères de la presse grecque disaient exactement le contraire. Mais c'est normal parce que la presse grecque est entièrement acquise en fait soit à Syriza, soit enfin, au parti au pouvoir. Hein, donc c'est comme ici en fait. Et à partir de ce moment-là, il s'est passé exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont tous être, il y en a déjà trois qui ont été libérés. Hein, et je pense que Mikaliolakis, donc ça se fait cet après-midi. Hein, donc ils les ont arrêtés exprès samedi matin pour que leurs avocats ne puissent pas se réagir. Hein, donc c'était sous quel prétexte sous prétexte. Alors à ce moment-là, non mais écoute bien, c'était blanchiment d'argent, corruption. Hein, déjà rien que tout le gouvernement grec devait être mis en taule, tu vois. Déjà c'est les seuls escroquerie médiatique absolument phénoménale. Hein, je l'ai dit maintes fois, j'ai aucune sympathie pour les nazis de Aube Dorée. Mais ce qui est fascinant avec eux, c'est de voir l'histoire en action, quoi, de l'histoire de la Grèce. Et il faudrait qu'on regarde, je vais regarder, il faut que je débarrasse un peu de dépêche pour avoir un peu de place là, sur la table, pour voir à quelle heure Mikaliolakis va être libéré. Parce que là, c'est le même cirque, je pense, tous les confrères sont devant le tribunal. Et je pense très sincèrement qu'il sera libéré. Donc et il va retourner au Parlement, parce que le fait que leur immunité parlementaire ait été retirée n'a pas du tout retiré leur présence au Parlement. Donc ils vont pouvoir agir au Parlement grec. Et de toute manière, on le voit, on l'a déjà vu au cours de ces deux derniers jours, que l'intégralité ou quasi l'intégralité de la police est des militaires grecs, mais surtout de la police, sont derrière Obdoré. Donc il y a une sympathie massive de la part du peuple grec. Je pense que maintenant c'est de l'ordre de 30 à 40, même plus, enfin 40%. C'est pas parce que les Grecs sont nazis, hein, c'est parce que c'est le seul parti, Nyons, hein, je dis bien c'est le seul, alors que l'autre, le parti d'extrême gauche Syriza, qui est l'équivalent de Mélenchon, en fait tout ce qu'ils veulent, eux, c'est braquer, les richesses de l'église orthodoxe grecque. Hein, voilà. Donc tu vois que c'est, hein, ils peuvent être communistes, marxistes, ils sont toujours aussi stupides, ça ne change pas d'un pays à l'autre. Hein, c'est vraiment un moule. Et les Grecs sont prodigieusement orthodoxes, hein, donc forcément, hein, que ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Donc ça va être très très intéressant à observer ce qui va se passer, parce que je pense que la vengeance d'Obdoré, après ce qui s'est passé, va être terrible. Je crois que là, pour le coup, on aura vraiment un bon et vrai coup d'État. Hein. Alors qu'ils avaient magouillé, hein, là c'était une... Je pense que, comme c'est d'habitude, la CIA ou les gens des services européens, parce que la Troïka était présente, hein, depuis déjà 15 jours sur place, et comme on l'a vu, hein, j'ai toujours dit ici que les choses très sérieuses commenceront après l'élection de Mme Merkel, c'est fait, une semaine après, boum, les mecs, ils arrêtent Obdoré sur des... Plus leur dossier vide, quoi. Hein, leur dossier vide. Ils ont prétexté donc l'assassinat d'un rappeur grec que personne ne connaissait, hein, techniquement. Un rappeur anti-antifa. Mais c'est surtout un antifa, en fait. Là, c'est ni plus ni moins que la répétition de l'affaire qu'on a eue ici en France, il y a à peu près... Avec l'affaire Méric, hein, il y a grosso modo un mois. Et moi, je compare ça, il y a main de papier sur le blog, aux histoires de couleurs d'affiches qui se fritent entre eux. Enfin, je veux dire, depuis 50 ans, on a main d'histoires de couleurs d'affiches morts. Hein, et c'est pas pour autant que le responsable du Parti Socialiste ou du Parti Communiste ou du RPR ou de l'UDER... De l'époque, ont été mis en prison. Hein, voilà, c'est exactement la même chose. Et donc, les Grecs ne sont pas dupes. Hein, personne n'est dupe dans cette affaire. Et c'est assez triste de voir, hein, parce que quand même, il faut, si on faisait une comparaison de la montée en puissance de Obdoré en Grèce par rapport à ici, c'est comme si le parti de Serge Ayoub, hein, il a des sympathies, c'est plutôt effectivement le bâton de baseball, hein, c'est le seul truc qui s'est manié à peu près correctement. Alors on le surnommait Batskin. Batskin, exactement. Donc si le parti de Serge Ayoub aujourd'hui prenait 30% des voix en France, tu vois, c'est pas rien. Hein. Ouais. Hein, oui, là, ça ferait peur. Alors, c'est normal que les Grecs, c'est normal que l'intelligentsia grecque soit terrorisée, oui. Parce que. Et alors, ce qui était génial, c'est que il y a eu, je pense que nos auditeurs connaissent la haine ancestrale qui existe entre Grecs et Turcs. Hein ? Bien sûr. Hein, voilà. N'oubliez pas la destruction du Parthénon. La destruction du Parthénon, hein, donc le centre d'Athènes, hein, le temple d'Athéna, hein, le fameux temple d'Athéna, eh bien, s'il a été détruit totalement, hein, c'est pas les tremblements de terre qui l'ont détruit, c'est ces abrutis de Turcs, hein, qui avaient entreposé à l'époque leurs munitions. Hein, dans le genre, s'ils nous tirent dessus, bah, ça va sauter, ça va se faire exploser leur Parthénon. Et puis en fait, ils l'ont fait sauter eux-mêmes. Hein, voilà, donc c'est ce qui explique en fait le trou béant qu'on a dans du Parthénon. En fait, c'est l'œuvre des Turcs, hein, c'est pas l'œuvre des tremblements de terre. Donc ceci explique cette haine, hein, qui existe entre Turcs et Grecs. Chypre en est un autre exemple, hein, la guerre entre les deux. Et alors, bien entendu, lundi matin, après l'arrestation de Mikhailoulakis et de son équipe, toute la presse turque déchaînée, félicitant bien entendu le gouvernement grec. Mais il n'en fallait pas plus pour déclencher la haine des Grecs qui se sentaient floués, violés, sodomisés, tout ce que tu veux. Enfin, il y avait quelque chose qui ne va plus. Hein, là, quelque donc, chose qui... Finalement, pour le gouvernement grec, c'est complètement contre-productif d'avoir arrêté les membres d'Obdoré, puisque ça les rend plus sympathiques aux yeux de certains. Exactement, de la plupart, ce qui s'est passé en Allemagne. Exactement, ce qui s'est passé là en Allemagne. C'est pas parce qu'on a mis Hitler en prison. Hein, qu'il n'a pas fini chancelier. Ça a même été sa rampe de lancement. Exactement. Hein. Ouais. Ils sont stupides. Les mecs sont totalement stupides. Ouais, il manque plus que le leader d'Obdoré. Mais non, mais ça sent la manipulation. Parce que ça sent la manipulation. Ce sont les Européens qui ont piloté ça. Et je pense même que ce sont les Américains. Parce que mes collègues grecs, avec lesquels on a battu le pavé, hein, en attendant la sortie de Mikhailoulakis, ils me disaient qu'ils n'avaient jamais vu une telle préparation médiatique. Hein. Le mec est sorti, attends, on était là depuis, je sais plus, 16h ou 15h ou 16h, hein. On a attendu jusqu'à 7h du soir pour qu'il sorte. Pourquoi 7h du soir? Mais parce que c'est le rendez-vous de tous les Grecs devant leur téléviseur pour les informations télé de 19h, hein, eux c'est 19h, et pour que les journaux quotidiens puissent boucler tranquillement, hein, pour qu'ils aient pu faire leurs photos tranquilles. Ouais. Ouais. Tu vois, parce qu'il est ressorti à 21h, tu vois, là c'était un peu trop tard, hein, les Grecs ils étaient dehors, ils n'étaient pas devant la télé. Voilà. Pour les journaux du lendemain, ça aurait été. C'était mort aussi, voilà, tu vois, donc c'était une véritable préparation à l'Astroscan, hein, le prep work, hein, c'est-à-dire que, je veux dire, attends, pour que les téléviseurs, les télévisions, les chaînes de télé, hein, je les ai vus, j'étais avec eux. Ils avaient le temps de préparer, d'installer trois caméras, les générateurs électriques. Hein, oui. Tu vois, les mecs, là, je regarde les photos sur quotidien.com. On voit qu'il y a des dizaines de photographes, des caméras dans tous les sens. Il y a des centaines, parce que j'ai filmé, là, j'ai donné une interview là, à un journaliste. Là, donc, il y a la vidéo à Anthony Chen. Donc, il y aura la vidéo bientôt sur le blog, mélangée avec d'autres prises de vue de la télévision grecque. En même temps, donc ça va être très intéressant. Ça s'est passé très très vite et ils sont sortis. Alors, hein, ce samedi, on attendait un coup d'état justement des militaires, soi-disant. Hein, ça, c'était une. Je veux dire, mais c'était tellement mal foutu, mal organisé que ça puait l'enfumage, quoi. Hein, et on s'est pas trompé. La preuve, hein, c'est que là, la police et l'armée, elle en a ras-le-bol. Hein, c'est très net. On le voit à Athènes d'ailleurs. Taux de chômage 60% du côté de la frontière grecque-bulgare. Hein, voilà. Les Grecs, maintenant, vont faire leurs courses en Bulgarie. Je ne sais pas si tu imagines, c'est la honte totale pour eux. C'est comme si nous, on allait faire nos courses en Albanie, tu vois, hein, voilà, parce que la crise nous a décimés. Je ne sais pas si tu vois psychologiquement ce que ça donne. Ouais, sur psychologiquement, si tu veux, la fierté. Les Grecs sont un des peuples les plus fiers qui puissent exister au monde. Hein, donc ça passe pas, quoi, ça passe pas du tout. C'est électrique, hein, mais en même temps l'ambiance est toujours infiniment plus agréable qu'à Paris, hein, ça je le confirme. Tout de même. Oui, bah oui, c'est étonnant. Enfin, c'est Athènes, attention, c'est pas Athènes n'est pas, c'est comme Paris n'est pas la France, et hein, voilà. Bien sûr. Non, mais c'était fascinant, c'était absolument fascinant. Moi, j'avais l'impression d'être dans Tintin, tu sais, avec Rastopopoulos, tu sais, qui devient fou. Et là, c'était vraiment ça. T'avais les policiers qui traînaient, alors il y avait un grand Rastopopoulos là, qui insultait les journalistes, qui leur crachait dessus et tout. Enfin, c'était vraiment marrant, quoi. C'était un personnage de Tintin là, véritablement. Ilias Panagiotaros qu'on voit sur une photo. Où le policier a même du mal à le tirer tellement il est massif. Il le traînait, c'est comme une vache, tu sais. Non, mais c'était surréaliste. C'était absolument un spectacle surréaliste. Et l'intégralité, les journalistes grecs étaient quand même. Je sais pas. Ils étaient partagés. Hein, ils étaient partagés. Hein, ouais, voilà. Alors, j'ai adoré la couverture du journal Le Monde. Hein. Là, pour le coup, il y avait, moi, de ce que j'ai vu, il y avait pas une journée, il y avait pas un journée de français, sauf un pigiste français de l'AFP, hein, qui était là, qui a fait des photos. On était peut-être 3 ou 4 journalistes étrangers. C'est tout. Il y avait un Allemand, un Hollandais, le pigiste de l'AFP photo, et moi. Et tous les autres, ils ont fait leur couverture devant leur téléviseur, tu vois. Donc ça, ils pouvaient pas vraiment se rendre compte de ce qui se passait réellement. En lisant la dépêche de l'AFP du pigiste. Oui. Donc là, j'ai lu la couverture du journal Le Monde, pathétique. Alors là, je vous confirme, Le Monde, vous ne l'achetez plus, c'est fini. C'est un journal qui vous plaît un clou. Depuis que ça a été racheté par Pierre Berger. Déjà, c'était pas terrible, mais alors depuis que Pierre Berger est au. C'est comme Le Figaro, hein, depuis que Dassault est aux commandes. C'est une. Je veux dire, le papier du poissonnier vaut mieux, quoi. Hein, l'un pour l'UMP, l'autre pour le PS, donc pour la même école, hein, oui, effectivement. Oui, c'est vraiment ça, quoi. Alors, je ne sais pas sur quoi tu veux continuer, peut-être la Grèce, s'il y a encore des choses à non, en dire. Non, alors ouais. Écoute, si tu veux lire la faillite du groupe Partouche, hein, si tu veux lire ça, oui. Parce que ça, c'est pour moi, c'est extrêmement symbolique de ce qui se passe en ce moment en France. Hein. Et en attendant que tu la trouves, j'ai vu passer une dépêche juste avant que j'arrive ici à la radio. J'ai vu passer, je ne sais plus trop où, que la France a battu le record. Alors, je dis ça parce que j'ai pas eu le temps de. J'étais vraiment au moment où je partais, quoi. Il semblerait donc que ce que disaient ces dépêches, c'est que la France a battu le record de défaillance d'entreprise au cours de ce dernier trimestre. Hein, voilà. Eh ben. Et oui. Et oui, alors que Hollande et sa clique nous disent que ces cliques de menteurs nous disent que la crise est derrière, qu'il y a des signes de reprise. Hein. Mais tu sais pourquoi Hollande avait dit ça lors de son interview du 14 juillet? Parce que il a mangé avec le patron de TF1 et que le patron de TF1 lui a dit, enfin des responsables lui a dit, ah mais on sent la reprise, il y a une hausse des rentrées publicitaires. Et voilà, c'est son seul truc de reprise, le mec. Oui, ouais. Le patron de TF1, oui, c'est ce qu'il regarde. Alors, ce qu'il n'a pas vu, en revanche, pourquoi il y a une reprise de la pub sur BFM, iTélé et TF1, c'est tout simple, c'est que depuis 5 ans, tous ces mecs-là, ils étaient à la diète, hein, et en 5 ans, ils ont quand même pu se constituer une petite cagnotte hein, pour relancer la com. Hein, voilà, c'est tout. Hein. Ouais. Donc c'est pas le secteur de la publicité de la com qui va relancer la France. Mais non, mais ce ne sont que des séries d'entreprises qui font faillite, des PME. Hein. La structure de la France, ce sont ces PME, c'est pas les multinationales, c'est pas Airbus. Hein. On nous présente tout le temps les grosses multinationales en disant regardez là, mais surtout ne regardez pas les petites PME qui elles tombent comme des mouches en ce moment. Hein. Ouais. Voilà. Alors que la plupart des salariés travaillent pour des petites PME, pour des PME et pas pour des énormes entreprises évidemment. Bah oui. Alors justement, tu parles de faillite. Le groupe des casinos Partouche en redressement à cause de la crise. Donc je lis la dépêche que tu as publiée sur quotidien.com. À force de massacrer les entreprises de taxes, d'impôts et de prélèvements, arriva ce qui devait arriver avec la crise. Le groupe Partouche a été mis en redressement. La fameuse crise qui devait être terminée en 2009, en 2010, en 2011, en 2012, puis en 2013, n'en finit pas de finir et elle laisse derrière elle une longue traînée remplie d'entreprises décimées, vidées et exsangues. Quand elles n'ont pas été purement liquidées comme Eliez, bravo Madame Royale. Et bien sûr, je ne parle pas de tous les gens au chômage. Ah bah évidemment. Donc, oui, évidemment. Donc, Casino Partouche a des soucis, comme les autres groupes de casinos d'ailleurs, qui se débattent comme ils peuvent. Le groupe qui exploite 49 casinos, dont 42 en France, mais aussi une quinzaine d'hôtels, des établissements thermaux, des golfs et des plages, met en avant ses efforts de restructuration des pôles déficitaires et souligne avoir honoré jusque-là les échéances du crédit syndiqué, dont l'encours actuel est de 233,7 millions d'euros. Le groupe cumule 5 exercices déficitaires. Tu remarqueras que c'est les 5 années de crise. Hein. C'est ça, exactement. Depuis 2008, voilà, 2008-2013, effectivement, on y est. Donc le groupe cumule 5 exercices déficitaires. Il a affiché en 2012 une perte nette de 17 millions d'euros. Sur les 9 premiers mois de l'exercice 2013, le chiffre d'affaires a reculé de 3,5% à 328 millions d'euros. Voilà, pause. Alors, moi je trouve qu'ils s'en sortent vachement bien, les mecs. Et juste une baisse de 3,5, mais c'est rien. Oui, c'est vrai qu'il y a pire. Mais attends, on y viendra peut-être, mais l'information est tombée hier. Le groupe de librairies français chapitre.com, oui, hein, le site internet, et puis toutes les librairies qu'ils ont rachetées, rappelle-toi, avec la folie internet et tout un toit, ils mettent en vente, alors c'est dans une autre dépêche, mais ils mettent en vente 56 librairies. Dont la fameuse librairie Boulevard Saint-Germain à côté du ministère de la Défense. Hein. C'est quand même un haut lieu. Si mes souvenirs sont bons, c'était la librairie de Gallimard ou de Flammarion. Je sais plus je crois que c'était Gallimard d'ailleurs. Hein, voilà. Chapitre.com va mettre la clé sous la porte. Hein, parce que techniquement, c'est ça. Hein. S'il vend toutes ses librairies, je vois pas où il va vendre ses bouquins. Les 57 librairies de Chapitre, effectivement, sont en vente. Voilà. Donc ça montre bien que la crise touche la France, les entreprises française et que là la baisse chez chapitre.com c'était pas moins 3 ou c'était pas moins 4 c'était au moins moins 15 ou moins 20 pour qu'ils en arrivent là voilà la réalité donc moins 3,5 je trouve que c'est extrêmement correct. Et tu noteras que ce sont quand même, notez que ces enfoirés de banquiers, comme d'habitude, ont refusé de suivre Partouche, hein, de changer leur crédit, etc. Alors que ces mêmes enfoirés de banquiers ont été sauvés par les Français. Hein. Je ne vais jamais l'oublier, même si ça n'a pas été présenté comme ça par Sarkozy, qui a l'art de l'enfumage, lui. Oui. Hein, voilà. Et les banques étaient à genoux, elles sont venues mendier. Elles ont été sauvées en 2008 et 2009. Mais elles refusent de sauver les entreprises françaises. Alors, juste, je précise à propos de Partouche, quand on parle du groupe de casinos Partouche, en fait, on s'y prend mal. Mais c'est eux qui s'y prennent mal, en fait, parce qu'ils parlent casino Partouche. Mais Partouche, c'est avant tout des hôtels. C'est avant tout des thermes, des trucs de repos, tu vois. C'est pas vraiment casino fait partie de les casinos, c'est une partie de son chiffre d'affaires, mais de tout ce qui est hôtellerie, etc., restaurant, c'est quand même la plus grande partie de son chiffre d'affaires. Faut pas l'oublier. Oui. Hein, voilà. Donc ça prouve que l'hôtellerie en France se porte très très mal. Hein. On nous dit oui, machin. Tu sais, tu as vu cet été comme moi, tous nos auditeurs l'ont vu. T'avais tout le temps des reportages sur France 2, TF1. Oui, les hôtels se portent bien. La France, oui, extrêmement. Les touristes viennent. Tada. Ils voient bien. Ils cherchent du travail. Ils cherchent des employés. Ouais, tu parles. Oui. Hein, n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Oui, certains endroits touristiques. Oui, il y a Saint-Tropez, bien sûr. Hein, mais ne pas confondre Saint-Tropez avec la France. Hein. C'est l'éternel problème, quoi, de ces journalistes. Exactement. Enfin, c'est même pas des journalistes pour qui moi. Qui focalisent sur les marronniers, sur les clichés. Voilà, ouais. Voilà. Et ils savent déjà ce qu'ils vont tourner avant même d'être allés sur place. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Et donc, alors tu rajoutes une ah oui. Petite... Alors là, c'est ma question personnelle à Monsieur Partouche. Monsieur Partouche, voilà. Est-ce que c'est chez vous que Monsieur Fabius, le fils, hein, Fabius fils, a gagné le jackpot de 700 000 euros? J'ai Monsieur Partouche, répondez à cette question, je voudrais le savoir. J'en sais rien, hein, techniquement, hein, parce qu'au moins on pourrait savoir pourquoi il se met au redressement. Oui, c'est vrai qu'il y a peut-être un lien, même si avec. Oui, non, parce qu'il est génial, le fils Fabius. Donc t'as c'est lui, hein, Thomas c'est Fabius, génial. qu'on voit exactement. Dans Paris Match avec jetant nonchalamment un billet de 500 euros. C'est génial. On voit qu'on appartient au même monde avec ces gens-là. Absolument. Ouais. T'as le mec, il touche pas le RSA, mais il s'achète un appartement de, je sais plus combien, 7 millions je crois, oui, à Saint-Germain, ça, ou un truc comme plusieurs ça. Millions, oui. D'accord. Ouais. Et nous, on nous fait chier. Hein, je veux dire, attends, moi j'ai eu, c'était quand, c'était au mois de mars. C'était au mois de mars. J'ai eu un retard d'impôt. J'avais un reliquat de 300 euros. Écoute bien, j'avais un reliquat de 300 euros à payer. Attends, je l'ai pas payé en temps et en heure. Les mecs, ils me sont tombés dessus comme des malades, comme si j'avais volé des millions à l'État français, tu vois. C'est des malades. Attends, et à côté, t'as le fils Fabius, tu sais. Alors lui, tu sais qu'il arnaque totalement le gouvernement. Mais c'est le fils d'un ministre. Voilà, hein, il a le droit de le faire, lui. Il vaut mieux être fils de ministre. Hein, voilà, lui, il a le droit de voler sans problème. Mais toi, t'es en retard, de 300 euros ou n'importe quoi, tu vois. Les mecs, ils te tombent dessus comme des mal... En plus, t'es traité comme un malpropre, tu vois. C'est vraiment... tu sais, ils envoient des lettres à ta banque et tout. Nous allons saisir votre compte. Tu vois, enfin, vraiment la totale, quoi. Cette espèce de genre FBI, tu sais. Vous serez fiché à la Banque de France. Non, non, mais c'est des fous furieux. C'est des fous furieux. Et ce mec-là, le mec, tranquille, il achète... Enfin, ça dérange personne. Heureusement que certains journaux l'ont sorti, tu vois. C'est un... Non, mais voilà. Donc, on est vraiment dans une France à deux vitesses, tu sais. T'as l'élite, hein. C'est comme aux États-Unis, c'est exactement la même chose, t'as l'élite, hein, t'as le 0,1% de la population, hein, qui tient le pays, etc., et tout le reste, tu crèves la dalle, franchement, c'est vraiment, c'est ça, quoi, hein, et t'as une justice à deux vitesses, hein, même trois, d'ailleurs, en ce moment. Très intéressant à observer. Ouais, voilà, donc félicitations au fils Fabius. Hein. Voilà. Et merci à monsieur Galde ou Galdès pour l'info. Oui, merci à Xavier Galdès pour cette information très, très, très, très intéressante. Nos lecteurs sont extrêmement à l'affût de ce genre d'informations. C'est quand même très intéressant. Voilà. Alors qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que j'ai vu? Ben là, je suis en train de regarder. Bon, il y a plusieurs choses. Je ne sais pas vraiment par quoi il est plus intéressant de continuer. Ben, puisqu'on a parlé un peu de chapitres, on peut chapitre. Parler. Ouais. Voilà, chapitre.com. Il faut parler de Siemens. Donc, la multinationale allemande a attendu l'élection. Donc, c'est Siemens. Hein, oui. A attendu l'élection de Madame Merkel pour annoncer qu'elle allait virer 14 000 personnes. Le groupe s'est déjà débarrassé directement ou indirectement de 20 000 personnes depuis 2008. Oui, parce qu'on les a chroniqués ici avec Laurent. Oui, tout à fait. Les a chroniqués. Donc, alors c'est très intéressant parce qu'ils avaient déjà fait des annonces en disant qu'ils allaient faire des licenciements. Mais alors, la technique de ces multinationales, c'est qu'ils t'annoncent, tu sais, genre 6 mois avant, ah ben on va peut-être virer, tu vois, on va peut-être virer 6 000 personnes. Et puis, quand arrive le truc, ils t'en virent 12 000, 15 000, enfin, tu vois, ils changent le truc. Mais ça permet de préparer les gens psychologiquement, tu vois, d'éviter justement des manifs, des trucs comme ça. Hein, voilà. Mais il n'y a pas que Siemens, hein. Il y a justement, si tu peux le lire, il y a je crois que c'est International Paper, hein, c'est juste après parce que je parle de chapitre. Alors oui, IP, International Paper, effectivement. Enfin, pour tous les menteurs, commentateurs qui vous disent qu'ils observent des signes de reprise, on aime bien les signes. Oui, hein, le voilà, signe, j'aime beaucoup les signes noirs, ouais. voici un très beau signe noir. International Paper, fabricant américain de papier et carton, a indiqué qu'il comptait fermer son usine de Cortland en Alabama. où 1100 emplois seront supprimés d'ici la fin du premier trimestre de 2014. La fermeture va coûter aux fabricants environ 675 millions de dollars. IP, donc International Paper, a annoncé plus tôt cette semaine qu'il a augmenté son dividende trimestriel de 17 cents. Voilà, donc, alors, c'est génial. Ça, c'est dans Graphiline. Hein, c'est un très, très bon site pour toutes les tout ce qui concerne le monde de l'imprimerie. Hein, c'est un site très professionnel français, vraiment très bon. Et alors, ce qui est intéressant là, c'est que les mecs sont d'une mauvaise foi absolument géniale parce que le patron d'International Paper, tu sais, on est en 2013 quand même, tu vois, le courrier électronique ça existe depuis 1990, hein, s'est popularisé en 93-94, tu vois, donc il y avait le Minitel dans les années 80, donc... Non, mais eux ils t'expliquent, en fait on va fermer parce que le courrier électronique a remplacé le papier, ça fait 20 ans qu'il a remplacé le papier, hein, ils ont pas attendu, s'ils avaient dû virer 1400 personnes, ils l'auraient viré, il aurait viré dans les 5 années de l'avènement, on va dire, du courrier électronique. Ce qui est intéressant là, c'est qu'en fait, il les vire pour pouvoir donner des dividendes aux actionnaires. Hein. Ils préfèrent dégager les salariés et les employés et favoriser les actionnaires. Voilà, c'est l'éternel problème de cette société qui est en train de crever justement de ça, quoi. Hein, c'est la maladie anglo-saxonne qui est en train de détruire le monde. Hein, voilà. C'est le profit à court terme. Le profit au trimestre, hein, parce que c'est les résultats trimestriels, tu le sais bien. Oui, tout à fait. Hein, nous allons communiquer nos résultats trimestriels, et puis les mecs sont jugés, et puis s'ils ne font pas leurs résultats, boum. Bah voilà. Plutôt que de se faire virer, le mec, il a décidé, tu sais, tu sauves un poste, c'est sur du PDG. Tiens. Et tu vires 1400 personnes. Bah, c'est les pauvres, hein, c'est fait pour être pauvre, hein, c'est bien connu. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Hein. De piller l'entreprise, de la vider de toute sa substance, et ensuite de la jeter à la poubelle. Oui, effectivement. D'ailleurs, tu parlais des annonces concernant Siemens, des annonces qu'ils font à chaque fois en disant on va virer 6000 personnes dans 2 ans, on a un plan sur 4 ans pour virer 1500 personnes. On se rend compte aussi qu'ils poussent les employés à travailler plus dur, notamment dans les usines. On leur dit, si vous ne voulez pas qu'on soit obligé de virer des gens, il va falloir travailler 10 heures de plus dans le mois, il va falloir pousser, etc. Donc on pousse en plus, on les presse les salariés comme des citrons avant de jeter l'entreprise à la poubelle. En France, on presse les salariés depuis l'histoire des 35 heures. Oui. Ça, je l'ai vu. Hein, ça, je l'ai vu, je l'ai vécu en interne. C'est une véritable catastrophe due à une espèce de folding qui s'appelle Madame Aubry. Hein, parce que, je le rappelle ici, je l'ai déjà dit, mais c'est très intéressant. Le calcul de Madame Aubry, hein, c'était quoi? Parce qu'il y avait les élections présidentielles, hein, rappelle-toi. Donc pour arriver au présidentiel et pour que le Parti Socialiste, enfin quelqu'un du PS, soit élu, il fallait que les chiffres du chômage soient très bons. D'accord? Comme ils n'avaient pas réussi à tuer le chômage, qu'est-ce qu'ils ont dit, les socialistes, hein, les marxistes socialistes? Ils ont dit, on va prendre le travail de ceux qui en ont. Hein. Donc on va dire, toi tu travailles 40 heures, non, c'est fini, tu ne travailles plus 40 heures, on te l'interdit. Hein. Voilà, on te l'interdit, tu vas travailler 35 heures et on va forcer ton patron, hein, pour les 5 heures qui restent, à embaucher quelqu'un d'autre. Hein. Alors, dans une PME où il y a 2 personnes, ça change pas grand-chose, mais dans une usine où tu as 1400 personnes, justement, 1400 personnes multipliées par 5 heures en moins par semaine, boum, je veux dire, là, tu es obligé d'embaucher. Hein. C'est mécanique. C'est ce qu'ils avaient fait comme calcul. Hein. Ils avaient fait leurs petites additions, ils se sont dit, on va arriver pile au moment des présidentielles avec un chômage nickel. Hein. Là, on est en 90-99. En fait, exactement, et ils se sont ramassés parce que personne n'a embauché. Alors quand ils ont vu ça, que ça ne marchait pas, tu sais ce qu'ils ont fait? Je l'ai vécu de l'intérieur, dans un groupe de presse, hein, où j'étais responsable des opérations internet, enfin de tout ce qui était presse, etc. Ils nous ont payé, enfin pas moi, mais le patron de ma société de presse, hein, à l'époque c'était IDG, il m'avait expliqué qu'il avait reçu, écoutez bien, 2 millions de francs à l'époque, hein, on n'était pas encore passé à l'euro, 2 millions de francs pour qu'il passe aux 35 heures. Tu imagines le gâchis? C'est-à-dire, on payait les chefs d'entreprise à passer aux 35 heures. Voilà comment ils sont passés aux 35 heures. Voilà la réalité. Et voilà comment on a liquidé le peu de croissance qu'il y a eu pendant ces années-là. Et maintenant, on paye le prix, tu vois, parce que maintenant, on paye les plus personne, si tu veux, parce que aujourd'hui, tu vires quelqu'un, c'est tous les chefs d'entreprise qui lisent le blog me disent j'ai été obligé de virer des gens, j'ai viré 30 personnes, j'ai eu 25 prud'hommes. Mais les mecs te font des prud'hommes juste pour au cas où ils gagnent, tu vois, c'est le casino, quoi. On tente le coup, Les mecs de Partouche, ils vont pouvoir peut-être effectivement faire une reconversion dans les prud'hommes. Non, mais si tu as joué au casino, tu vas jouer au prud'homme. C'est dingue. On constate ça, oui. Et aujourd'hui, la France paye le prix. Aujourd'hui, la France paye le prix. C'est une immobilisation totale de l'économie. Hein, tous les gens qui travaillent, qui travaillaient en travail temporaire, etc., te le confirment. Tous les chefs d'agences de travail temporaire te disent effectivement que ça s'est arrêté en 2000. Ça s'est arrêté techniquement en 2008. Voilà. Là où ils avaient 30 missions, ils en ont plus qu'une dizaine. Tu vois, voilà. Voilà la réalité. Je parle pas des jeunes, hein, parce que les jeunes français qui arrivent qui arrivent sur le marché du travail, et c'est chaque année, hein, faut pas l'oublier, hein, eh bien ils se heurtent dans un c'est comme s'ils arrivaient dans des sables mouvants, hein, pour la grande majorité d'entre eux, c'est la galère. Les seuls qui s'en sortent, là aussi bravo au Parti Socialiste, c'est tous ceux qui n'ont pas eu de diplôme, hein, tous ceux qui ont glandé en classe, qui sont sortis en troisième, etc. Tous les petits tracailles des cités, etc. Eux, ils ont payé maintenant. Hein, tu as vu, ça va passer là. Mais alors, tous ceux qui ont bossé en classe, non. Donc, la augmentation des inégalités, c'est encore plus flagrant. Hein, c'est-à-dire, il y a une cassure de la société française. Le Parti Socialiste cherche la guerre civile. C'est absolument effroyable à observer. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais. Parce que tu es beaucoup plus jeune que moi, donc, mais les copains de ton âge, etc., je ne sais pas s'ils ont tous du boulot. Ça m'étonnerait. Effectivement, comme tu dis, c'est souvent les moins qualifiés qui trouvent des boulots le plus facilement. Et ceux qui oui, parce que c'est des travaux sponsorisés. Oui. Des travaux sponsorisés. Ah, c'est dans l'hôtellerie, dans la vente, les choses comme ça. Mais après, quand on fait des longues études pour devenir ingénieur, pour devenir. Effectivement, là, c'est beaucoup plus difficile de trouver du travail et même de trouver un appartement aujourd'hui. Hein, trouver un appartement quand on est jeune et quand on n'a pas forcément énormément d'argent, c'est très très compliqué. Alors je ne vois pas, je n'ai pas. Justement parce que c'est un enchaînement. Ça c'est une information qui date que j'avais donnée. C'était quoi le 23 septembre. C'est une université qui va fermer en France. Hein, et Julien Drey ne dit rien. Notre ami Julien Drey, le spécialiste des montres de milliardaires. Voilà. Donc là aussi, hein, cela aurait été sous Sarkozy. Hein. Tous les étudiants seraient déjà dans la rue à hurler le règne de la droite et à tout casser sur leur passage. Mais comme on a le PS à la barre, eh bien Julien Drey préfère se concentrer sur sa collection de montres pour milliardaires, justement. Alors tiens, je vous lis FR3. Hein. L'université Paul-Valéry de Montpellier, donc pour les étudiants ça s'appelle UM3, qui accuse un déficit structurel de 3 millions d'euros par an, envisage de fermer son antenne de Béziers à la fin de l'année universitaire 2013-2014. 800 étudiants sont concernés. Pour ramener l'équilibre, alors là c'est la fin de citation, donc là c'est moi qui parle. Pour ramener l'équilibre, chaque étudiant devrait payer 3800 euros de frais de scolarité annuels, soit 300 euros par mois. Voilà. Alors quand vous savez que dans le monde anglo-saxon, les frais de scolarité montent parfois à 60 000 euros et même plus par an aux États-Unis, on fait vraiment figure de pingre. C'est-à-dire que là, on est complètement dans il y a une espèce de dichotomie. C'est-à-dire que on veut absolument donner l'université pour tous, je veux dire quasiment gratuitement, c'est-à-dire ce qui est très très une bonne idée, mais qui était tenable sans doute pendant les 30 glorieuses, mais aujourd'hui, manifestement, cela ne fonctionne pas. Donc, plutôt que de faire payer les étudiants, ceux qui veulent, etc. Mais là, il y a une sélection par l'argent, hein, par définition, qui pour les socialistes est absolument impossible, inadmissible. Hein. Il est préférable que les pauvres ne fassent pas d'études, que les riches, ou les moyennement riches, ou de classe moyenne, puissent, eux, éventuellement faire des études. Tu me suis ? C'est très intéressant, c'est extrêmement pernicieux, c'est même vicieux à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'ils décident de faire ? Ben, ils ferment. Et voilà. Et donc, Béziers n'a plus de fac. Poum, terminé. Voilà. En plus, tu remarqueras que, là aussi, la gauche, Julien Drey, se la ferme. Hein, il ne dit rien. Voilà. Et tu précises que cette antenne de Béziers avait été construite spécialement. Bah, c'est une vraie fac, quoi. Voilà, hein, bah, voilà, donc je sais pas ce qu'ils vont en faire après, une salle de concert peut-être. Tu observes, c'est-à-dire qu'on vit dans une espèce de folie idéologique. C'est une idéologie qui date des années 40-50, tu vois, tous ces mecs-là, c'est comme si tous les soirs en se couchant, ils lisaient, tu vois, Jean-Paul Sartre, tu vois, ouais, voilà. Alors que franchement, ça n'a plus lieu d'être, c'est un truc... pas dépassé, oui. C'est totalement dépassé, indépendamment du fait que lire du Sartre, c'est complètement indigeste, mais bon. En plus. Je veux dire, si vous voulez vraiment vomir, hein, vous lisez du Sartre. Hein, enfin, je veux la dire, nausée. La nausée. Hein, c'est vraiment ça. C'est, je veux dire, tu sais, tu fais deux phrases, tu vois, il te vaut le dico à côté pour le suivre, le mec. Alors, ouais, sur les universités, il y a à New York aussi une fac, une des dernières facs gratuites des États-Unis qui va devoir être payante maintenant parce que le board de dirigeants, le conseil d'administration de la fac, s'est endetté à hauteur de 150 millions de dollars ou plus auprès de MetLife, donc institut de crédit américain. Et comme la fac était gratuite, s'est endettée à 150 millions auprès de MetLife, ils sont obligés maintenant de faire payer, je crois que c'est 30 000 dollars par an et par élève, alors qu'avant c'était gratuit. Voilà, c'est voilà, une, alors ce qu'ils auraient, attends, alors qu'ils auraient, ils auraient mis leur argent, hein, dans les lingots d'or, hein, ils n'auraient pas ce problème aujourd'hui, les mecs. C'est certain. Hein, voilà la réalité. Et puisque tu parles de ça, il y a une info que j'avais donnée ici avec Laurent il y a à peu près 3 ans, ça me revient, c'était au pire de la crise. Alors je ne sais plus si c'est Berkeley. Yale, enfin c'est une des trois grandes. Hein, Yale, Harvard ou Berkeley. C'est Harvard, c'est justement, d'accord. C'est Harvard, c'est l'équivalent d'HEC grosso modo. Ouais. C'est Harvard. Harvard avait un hedge fund, c'est-à-dire que tout l'excès d'argent dont il disposait, il l'avait placé. Toutes les facs américaines ont un département finance. Exactement, ils avaient placé leur argent. Devine qui était le patron de ce hedge fund de Harvard. Larry Summers. Et ils ont été ruinés. Ils ont tout perdu lors du crash du 29 septembre 2008. Mais c'est un spécialiste. Larry Summers qui devait être nommé patron de la Fed il y a encore 15 jours. Tout à fait. Attends, tu imagines ? Et le mec, il avait ruiné sa propre faculté. C'est quand même énorme. Et qui est aussi responsable de... Oh, les escrocs, je te jure. Larry Summers qui est aussi responsable, ça c'est Jacques Sapir qui l'expliquait récemment, responsable de la crise en Russie dans les années 90, la crise du crédit en Russie qui avait été extrêmement violente aussi. Ben, c'était grâce au conseil de Larry Summers, là aussi. C'est Jacques Sapir qui le disait sur BFM Business il y a quelques semaines de ça, au moment où justement on se demandait si Larry Summers n'allait pas devenir le nouveau patron de la Fed. Non mais attends. Jacques Sapir, il est bien gentil, mais il faut peut-être pas mettre tout sur le dos de Summers, hein, hein, hein, voilà. Hein, faut arrêter les conneries là. Hein, moi j'adore tous ces mecs là, les Sapir, les machins, les mecs qui t'expliquent la crise, tu sais, alors que ils l'ont pas vu venir. Attends, je le rappelle quand même, hein. C'est pas faux. Hein, voilà. Hein, je rappelle quand même que Summers n'y est pour rien dans cette. Au contraire, Summers a sauvé ce qui a pu être sauvé. C'est Larry Summers qui a envoyé tous les jours un avion, un 747 rempli de valises entières de billets de banque de 100 dollars pour que l'Union, enfin ce qui reste de l'Union, pour que ça ne s'écroule pas totalement dans une guerre civile. Hein. Alors, au lieu de dire que Summers est responsable, non mais attends, c'est des mecs, ces universitaires, mais les mecs ils sont complètement éloignés de la réalité, quoi. C'est vraiment des, c'est voilà, tu vois, là, voilà, c'est extraordinaire. Moi j'adore ces mecs, c'est fabuleux, quoi. Ils ont pas vu la crise arriver, mais ils te donnent des grandes leçons, tu sais. C'est toujours comme ça. C'est fascinant à observer. Fascinant. J'aimerais bien que comme il s'appelle, Sapir nous donne une de ses conférences qu'il a donnée en 2007-2008, annonçant, expliquant aux banques françaises qu'il y aurait une grande crise à venir, etc. Qu'il fasse des conférences et qu'il avertisse les gens. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Hein ? Voilà. Oui. Non. Alors récemment, il a écrit une étude sur la sortie de la dissolution de la zone euro, disant que s'il y avait une dissolution de la zone euro, ce ne serait pas si grave pour l'économie française. Donc je ne sais pas si tu as vu ça, Non, je n'ai pas vu ça, mais bien entendu, c'est un travail universitaire. Non mais j'aime bien, tu dis ça, c'est comme si tu disais c'était un travail de jardinier, tu sais. C'est le mec avec sa tondeuse à gazon, t'es fou. Le mec bien éloigné des réalités, tu sais, il tond son gazon, tu sais, puis c'est un truc. Cette crise économique montre que c'est avant tout la faillite des universitaires. Hein, faut pas l'oublier quand même. Hein, voilà, c'est la faillite totale des keynésiens, de tous ces mecs, des Friedmaniens, des masturbateurs intellectuels qui sont complètement éloignés, qui n'ont jamais dirigé une entreprise. Ces mecs-là, tu leur donnes une boulangerie, elles déposent le bilan en une semaine. Voilà la réalité. Ceux qui sont dans la théorie économique. Exactement. Exactement. C'est quand même absolument fascinant. Hein. Tu les écoutes, mais attends, regarde où on en est aujourd'hui. C'est quand même le résultat de tous les conseillers, hein, des mecs qui ont conseillé Obama en 2010, etc., en 2011. Enfin, je veux dire, tu vois le résultat. Attends, les États-Unis sont en faillite, là. Ils ont mis 1 million de fonctionnaires au chômage technique. Attends, j'invente rien. On parle même de blocage. Alors, on nous parle d'universitaires, mais qu'ils aillent se faire voir. Alors on va continuer. Ces mecs-là sont des incapables. Alors c'est très, ils sont très forts, tu vois, pour sortir des grandes théories, machin, des trucs fumeux. Mais tu leur donnes un petit G20, hein, pas le G20, le supermarché. Hein, tu leur donnes un G20, tu vois, avec les stocks, tu sais, les mecs, les camions qui te livrent le matin, tu es à gérer, à compter les stocks, machin, tu vois. Mais ils seraient incapables de le faire. Mais ils seraient incapables. Ils sont forts en théorie, mais dans la pratique, c'est loin d'être ça. Et c'est vrai que ça fait 40 ans qu'on est gouverné par des grands principes, des grandes théories. Et malheureusement... Ces théories sont mortes. Elles ne servent plus à rien. Hein, tu as vu, tu suis des blogs quand même. Je veux dire, tu vois bien que ça ne sert à rien. Qu'on est complètement dans une crise telle. Hein, que et celle-ci, je le répète, c'est quand même les universitaires. Hein, Blight Masters, hein, elle est diplômée de Cambridge. Hein, elle est diplômée de Cambridge. C'est clair, c'est clair. Et puis nos présidents ont tous fait l'ENA quasiment à part Sarkozy. Ils ont tous Justement, tiens, il y a un truc sur les énarques. Tu peux la trouver, c'est sur Pleur Félerin. C'est Fleur. Jolie contrepétrie. Oui, non, mais j'ai pas fait exprès, mais c'est Pleur Félerin, ça lui va bien, je trouve. Hein, attends, je la vois pas. Alors je l'ai. Tu l'as ? Vas-y. C'est sur. Alors c'est parfait. C'est parfait pour illustrer ce qu'on vient de dire. C'est sur le crowdfunding, c'est ça ? Oui. Oui. Alors je l'ai effectivement. Gouvernement Hollande. Le gouvernement Hollande récupère même les projets privés. Puisque les banques ne prêtent plus, les énarques ont trouvé la recette miracle : encourager les particuliers à se prêter entre eux. C'est pas beau ça. Les mecs, ils sont incapables de mettre de l'ordre dans la banque. Ils sont incapables de mettre un fusil sur la tempe de ces enfoirés. Qu'est-ce qu'elle fait, la Fleur Pèlerin ? Ah, bah, on va demander aux particuliers de se prêter entre eux. mais tu y crois pas ? N'y crois pas ! Elle est énarque, la fille ! Alors que toutes les aides qu'on donne aux banques, c'est sous le prétexte que, justement, les banques vont prêter ensuite aux particuliers, Exactement. Revitaliser l'économie. Exactement. Voilà. Et là, voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, voilà. Bon, comme les banques prêtent pas, malgré tous les milliards qu'on leur donne, il va falloir s'intéresser au crowdfunding. Donc, considérant que le crowdfunding fonctionne très bien. Alors, on peut expliquer peut-être rapidement ce que c'est le crowdfunding, parce que tout le monde n'est peut-être pas au courant. C'est les sites type Kickstarter, Ulule, il commence à y en avoir pas mal, des sites comme ça, qui permettent de présenter un projet, et en fait, des particuliers vont sur le site. Vont financer, oui, ils sont actionnaires, actionnaires d'une certaine façon de l'entreprise, ce qui est une très belle idée. Donner 20, 50, 100 euros. Je trouve ça génial. Non, mais attends, c'est formidable, c'est une très belle idée. C'est vrai que ça marche très bien, et en tout cas, il y a beaucoup de projets qui ont pu se monter, qui n'auraient pas pu se monter autrement. Exactement. Voilà, des films qui ont été produits, des choses comme ça. Alors, donc, la ministre de l'économie numérique Fleur Pèlerin a annoncé qu'elle allait présenter un dispositif complet à l'occasion des assises de la finance participative à Paris. Madame Pèlerin avait déjà démontré son incompétence. Là, elle ne trouve rien de mieux que de rester fidèle à sa qualité d'énarque et de copier ce qui fonctionne et s'en servir pour y coller des textes d'encadrement à son nom. Voilà. Donc tu vois, elle reprend une idée qui marche, qu'elle n'a pas inventée bien sûr, non. Mais elle va, tu vois, ça va s'appeler la directive Pleur Pèlerin. La directive Pèlerin, voilà, pour, pour Pleur Pèlerin. Non mais c'est drôle. Non mais voilà, ça te montre le mode de fonctionnement de ces, tu vois, ils inventent rien, mais ils volent les idées des autres. Ça marche très bien, ça c'est excellent, hein, voilà. Le crowdfunding en plus c'est une idée très intéressante, mais malheureusement ça peut pas marcher des dizaines de fois. Le crowdfunding c'est le principe même, si tu veux, d'introduire une société en bourse, hein. Sauf que c'est plus direct, hein, les mecs ils ont pas inventé non plus l'eau chaude, hein, bien sûr. Rappeler. Mais internet, si tu veux, permet de le faire directement. Si tu n'as pas besoin de passer par Goldman Sachs ou JP Morgan pour lancer ton entreprise. C'est ça qui est génial, là tu court-circuites les banques, il n'y a pas d'intermédiaire. Tu court-circuites les banques. Et qu'est-ce qu'elle veut faire, la Pleur Pèlerin, hein, elle veut recontrôler ça, mine de rien, tu vois. Voilà. Ouais, hein, c'est vrai. Et en plus, le crowdfunding, ça permet de financer des projets très spécifiques qui n'auraient peut-être pas trouvé leur public autrement. Là, voilà, il y a 300 personnes qui vont être très motivées pour qu'un projet se fasse. Et puis, il va se faire grâce à ces 300 personnes. Alors, vous seriez allé voir la Société Générale ou le Crédit Agricole avec votre projet. Ils vous auraient dit rentrez chez vous, monsieur, ça ne nous intéresse pas. C'est oui. Donc, effectivement, ce bien sûr, mais c'est ce qu'ils font. Hein. Très intéressant. C'est ce qu'ils font. C'est ce qui, exactement ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, en règle générale. C'est ce qu'ils font. Alors j'essaie de trouver une info que ah bah tiens, mais pendant que tu regardes, attends, bah on en a vu quoi passer une de très belle ce week-end. Bah, pas ce week-end, c'était quelle semaine, 23 septembre, voilà. Parce que là je suis resté scotché. Alors là je suis resté, tu sais, je suis resté devant mon ordinateur. J'ai dit bon là il faut que je relise ça, tu vois, tranquillement, tu sais, il faut que je mette mes lunettes, que j'essuie les verres, tu sais, que je lise le truc, tu sais, vraiment pour bien m'imprégner de la réalité de cette information. Alors écoute bien, des voleurs se sont introduits dans une prison. Donc déjà, tu vois, déjà tu sais, là t'es dans le surréalisme, hein. En général tu vas dans une banque, tu vois, mais là les mecs ils vont en prison pour voler la prison. C'est fort. C'est très fort. Alors donc ils ont cambriolé le bureau du directeur, puis le coffre, hein, et sont repartis avec 6000 euros. Donc c'était les sommes données par les familles pour l'argent de l'argent de poche des détenus. Il faut croire que s'il est difficile de quitter une prison, n'importe quoi. C'est absolument facile d'y entrer. C'est de la folie pure. Non mais attends, tu crois pas. Tu te dis, attends, là j'ai fumé quoi là, tu vois, je dis, attends, pourtant j'ai arrêté de fumer, tu vois, je fume plus, tu vois. J'ai fumé un pétard, c'est pas possible, tu vois. Non mais vraiment, je me suis repris à trois fois, tu sais, pour... Alors, on va vous donner le... donc il est très facile d'y entrer pour la cambrioler, voilà. De toute ma vie... pas vu un tel fait divers. Alors là c'est, je cite Audiard, hein, les cons ça ose tout et c'est même ça, ceux-là qu'on les reconnaît. Moi, franchement, à mon humble avis, j'ai jamais été trop d'accord avec ça, cette phrase d'Audiard, parce que à mon avis, je dirais que c'est plutôt, on devrait plutôt parler de gens audacieux, hein. Hein, parce que là, c'est vraiment, vraiment audacieux. Hein. Et c'était un papier du Midi Libre. Et c'est Monsieur Fuentes qui l'avait vu pour nous. Non, mais attends, on n'a pas fini. Attends, il y a mieux. Il y a mieux que Taubira. Il y a mieux que Madame Taubira. Écoutez bien. En Belgique, pays du surréalisme de Magritte, donc, 270 détenus reçoivent une allocation pour rester chez eux. Ah non, là, c'est... Non mais hein, ça dépasse l'entendement. Là c'est très très fort. Là c'est très très fort. C'est-à-dire les mecs, tu les payes. Les mecs sont en prison. Tu les payes pour rester chez eux. Oui. Donc c'est une façon de dire, allez-y, braquez, volez. On vous paiera pour. Non rester mais chez c'est une très après. Bonne idée pour Madame Taubira. Oui, peut-être qu'elle va appliquer ça. Oui, c'est vrai. Elle va nous sortir une nouvelle. Voilà, c'est ce qu'il va. Non, parce que tu sais, dans la genre folie, alors elle est bien. Hein. Elle nous sort des trucs absolument géniaux. Je veux dire, c'est fabuleux à observer. Dans la genre dégénérescence totale de la nation France, tu sais, c'est Madame Taubira, c'est formidable. Donc là, c'est une excellente suggestion qu'on pourrait lui faire. Hein. Enfin, je pense qu'elle a dû le voir d'ailleurs. Voilà. Et donc, ça c'est un cran en dessous, on va dire, dans le surréalisme. Alors c'était en France, c'est le toit d'un stand de tir entier qui a été emporté. Alors j'imagine que les mecs ils l'ont emporté la nuit parce que sinon ils se seraient fait canarder. Non mais t'imagines, attends, le mec ils auraient démonté le toit d'un commissariat de police, que ça m'aurait pas étonné. C'est exactement ce que j'allais dire, bientôt on verra des braquages de commissariat, après tout, hein, pourquoi mais pas. Mais on l'a vu, attends, la dernière revue de presse que j'avais faite avec Laurent, on a vu que les flics se faisaient braquer leur vélo, leur moto, les pompiers se faisaient braquer leur camion et tout. Attends, les mecs en action, tu sais, pendant qu'ils sont en train d'arroser, t'as la petite racaille qui monte dans le camion, qui se barre avec, tu vois. Avec le tuyau comme dans un film, tu sais. On imagine bientôt les dealers qui se font voler leur cam, aller la récupérer au commissariat avec des armes, oui. Pourquoi pas, ouais. Non, mais c'est l'inversion totale, totale de tout. Hein. C'est à partir du moment où tu payes les prisonniers à rester chez eux, je trouve qu'on touche le fond, tu vois. Effectivement, bah, oui. Ouais, voilà, c'est grand, hein, c'est grandiose. Ça te montre une société dans total délabrement, en fait. Hein, dû à la crise, parce que tout ça est dû à la crise, ne pas l'oublier. Tout ça est dû aux banquiers. faut jamais l'oublier. Tous ces problèmes, c'est que des problèmes d'argent. Hein. Et pourquoi les mecs ils volent le toit en cuivre? Parce que Madame Blight Masters et ses copains ont comment dire, fait monter artificiellement, enfin ont racheté les stocks du cuivre. Moi, je l'avais, on l'avait chroniqué ici avec Laurent. Oui. On avait vu la montée du cuivre. J'imagine du cuivre. Elle a fait ça aussi sur le zinc. C'est le mec, tu sais, t'arrives à ton bar du coin, tu vois, le mec, il s'est fait voler tout son troquet. Son zinc pour aller vendre à Black Master. Mais c'est fou. Voilà, ouais, le zinc, non, c'est... franchement, ouais. N'importe quoi. Tout est bon. Voilà. Tout est bon pour faire de l'argent, effectivement. Ça, c'est une constante. Hein. Effectivement, comme tu le dis, tous ces problèmes sont avant tout des problèmes d'argent. Même les problèmes de Kalachnikov à Marseille, de braquage, etc. C'est aussi des problèmes de misère économique et financière. Bah, de toute façon, la misère, je veux dire, c'est connu depuis très longtemps. Je veux dire, plus une société a des problèmes économiques et plus les prisons se remplissent. Hein, ça n'a rien de nouveau. Quand tu regardes les statistiques aux États-Unis, c'est très intéressant d'ailleurs. Tu regardes les statistiques aux États-Unis, bah, ça, à partir de 2007, ça a été comment dire, en augmentation en flèche, quoi. Alors maintenant, en Californie, si tu veux, ils font la même chose. C'est-à-dire qu'ils libèrent les prisonniers parce qu'ils n'ont pas les budgets pour les nourrir. Hein, donc, tous ceux qu'ils peuvent libérer, tu vois, genre 4 ans, 10 ans avant leur... mais ils n'ont pas l'argent, donc ils sont obligés de faire un choix. Sinon, les mecs, tu vois, ils n'ont même pas besoin de faire une grève de la faim, du coup. C'est sûr, oui, effectivement. Alors, au secours, non mais c'est dingue. On voit des trucs complètement fous. Bah, justement, hein. Puisqu'on est dans le pire en pire, là, j'ai une dépêche que tu as publiée sur quotidien.com, les cadavres exhumés pour les dépouiller, puisqu'on est vraiment dans la déliquescence de la société. On l'a vu venir avec Laurent, on en a vu quelques-uns, puis là maintenant c'est de plus en plus. Hein. Maintenant c'est tous les cimetières, grosso modo, hein, qui sont, j'allais dire, attaqués, si on peut utiliser ce terme. Attaquer un cimetière, oui, c'est... C'est pas difficile, hein, y a personne pour le garder, les cimetières. On attaque les prisons et les cimetières, c'est fantastique. On est dans un truc de science-fiction, dans un film d'horreur en fait. Voilà. Ouais, donc je lis la dépêche, lettre de l'un de nos lecteurs, Monsieur Bourdon. Alors accrochez-vous parce que c'est pas facile. J'ai appris aujourd'hui que la tombe de mon oncle mort d'un cancer depuis 2003 a été profanée. Et quand je dis profanée, c'est profanée. Tombe ouverte, cercueil ouvert, son alliance volée, qui entre parenthèses était sans grande valeur. 5 à 6 tombes ont été profanées et une dépouille a eu les dents en or arrachées. Le chiffre est vague car les corps ont été remis dans les caveaux et les gendarmes sont en train de vérifier toutes les tombes. Cela prend du temps. Un gendarme a dit à ma tante que cela n'est pas un coup de gens du voyage qui sont très croyants, mais sûrement des Roms. Et je peux vous dire que lorsque cela touche de loin... vous touche de loin, cela choque un peu. Mais quand cela vous touche de près, c'est autre chose. Ouais, Ma mère en a pleuré. Je vomis toute cette crasse, cette vermine. Merci les mondialistes de l'Union Européenne. Merci Schengen et merci l'UMPS. Ah oui, bah c'est l'un de nos lecteurs, M. Bourdon, qui nous a déjà communiqué des informations de la presse locale. Donc on le connaît depuis quelque temps, avec Laurent. Et là, il a été... dévasté. Ah oui, non, il a été... C'est abominable. C'est abominable. Monsieur Bourdon, donc... Si je lis la fin de sa lettre. Si je peux me permettre, pour qui sonne le glas? Oui, effectivement, c'est de rigueur. C'est de rigueur. Voilà. Je comprends que quelqu'un qui n'a ni aide sociale ni emploi vole ou mendie, mais pour piller les cimetières, il faut vraiment être le dernier des derniers. Pas plus d'infos sur le lien de la Voie du Nord. Bizarre. Non, il n'y a pas eu d'infos. Voilà, pas d'infos. Pas au flash de France 2. Non, mais pas d'infos. Non, mais ça, on n'en parle pas. Ça. Voilà, on n'en parle pas, effectivement. Non, mais c'est très marrant. Tu vois bien donc, que les télés font des infos. Choisissent, si tu veux, d'une manière très. Hein, il y a une sélection. Oui, hein, il y a une sélection vraiment très, très précise. Hein, voilà. Donc la viande froide n'est pas assez halal ni cachère, cela n'intéresse personne. Voilà. Il faudrait un gardien pour chaque cimetière et chaque église et cathédrale. Combien en France de cas semblables étouffés? On préfère parler des épreuves du bac en juin, du festival de Cannes en mai et des vacances des plages en juillet et août. C'est pathétique. Vivement que tout ce système s'écroule et qu'on n'en parle plus. Ah, il était dévasté, hein, monsieur Bourdon. Oui, on lui présente toute notre sympathie, hein, parce que franchement... Tu vois ce que je veux dire? Tu enterres tes parents, j'en sais rien. C'est affreux, tu découvres une semaine plus tard que c'est horrible. Et attends, moi j'ai vu il y a 2 jours qu'il y a un autre cimetière là, comme ça, où tous les corps ont été sortis, tu vois, les dents arrachées, etc. C'est dingue. Ça me rappelle, tu sais, y a une scène comme ça, mais c'était dans toutes les batailles du Moyen-Âge. Je pense notamment à Crécy, etc. Même dans le film Jeanne d'Arc, hein, tu l'as. C'est-à-dire que tu vois les soldats français, par exemple, qui, avec une massue, sur les morts, tu vois, ils explosent leurs dents et ils leur prennent leurs dents en or. Bon, tu me diras, c'est au cours d'une bataille, même si c'est horrible, tu vois, c'est. À la limite, les mecs eux-mêmes ont risqué leur vie, donc ils récupèrent ce qu'ils peuvent récupérer. Mais là, tu vas déterrer des corps en décomposition. Tu vois le truc, oui, oui. Ça me rappelle 2003, une chanson d'Alice Cooper, tu sais. I love the death before they're cold. Mais là, they are cold. Ils sont froids, là. C'est horrible. Voilà. Alors, tiens, justement, si tu veux lire la suite, parce que c'est un autre lecteur, Monsieur Valli, qui nous a donné une autre info sur, qui était sortie sur France Info. Tiens. Monsieur Valli, lui, a vu cet article sur France Info parlant de fossoyeurs lyonnais qui vendaient le marbre des tombes et dépouillaient les cadavres. Lire sur France Info pour le croire, cela vous montre que la situation dégénère de plus en plus vite. Ouais. Quatre fossoyeurs et un marbrier ont été mis en examen ce samedi pour vol, recel et atteinte à l'intégrité d'un cadavre à Lyon. Ils avaient organisé un trafic depuis plusieurs mois. Ils volaient les bijoux et les dents en or des cadavres et les stèles pour les revendre à des familles endeuillées. Et tu rajoutes, les musiciens sont des prophètes. Rappelez-vous du clip de Michael Jackson. Donc, je pense que tu fais allusion au clip Thriller, fameux clip de zombies, de Michael Jackson. Oui, mais c'est tout à fait ça. Mais c'est vraiment ça. Parce que leur trafic là au marbrier et puis aux quatre fossoyeurs, bon, les mecs, c'est peinard. Hein. Tu sais, t'es un mort. Tu sais, donc tu l'enterres. Hein. Ensuite, bon, une fois que tout le monde est parti, tu le déterres, tu prends la stèle, machin, et tu le vends au prochain mort, à la famille du prochain mort qui arrive, et ainsi de suite. Oui. Tu sais, c'est tranquille comme. C'est un schéma de Ponzi comme. Madoff, quelque part. Il y a du côté Madoff là-dedans, dans cette affaire. Non, mais attends, c'est dingue. Ouais, c'est complètement dingue. C'est dingue. Et tiens, puisque tu parlais de musiciens sont des prophètes, tu as vu que les Américains appellent ça le shutdown. Hein, tout à fait. L'histoire du Monday, du plafond. Le lundi, l'arrêt du lundi, enfin la fermeture du lundi. Hein. Oui. La fermeture du lundi, c'est. Monday Shutdown, hein, ça a été popularisé là au cours du week-end dernier. Eh bien, figure-toi que une musicienne, pour le coup, que j'ai vue en concert d'ailleurs, que j'avais croisée, c'est la chanteuse des Motels, Martha Davis. Je ne sais pas si tu pourras le regarder sur YouTube. On pourra peut-être passer un extrait. Ça s'appelle Monday Shutdown. J'invente rien, hein. Les musiciens sont vraiment des prophètes, c'est-à-dire qu'ils annoncent le futur d'une certaine façon. Monday Shutdown. Je l'ai trouvé, la chanson de The Motels, Monday Shutdown, effectivement, 1983, de l'album qui s'appelle Little Robbers, qui veut dire petit voleur. Petit voleur, voilà. Hein, non, mais c'est fort quand même. C'est vrai que c'est fort, c'est vrai qu'il y a. Remarquable, j'ai beaucoup aimé Martha Davis. Je regrette qu'elle n'ait pas, qu'elle n'ait pas continué, mais un talent et surtout une voix magnifique. Une voix, mais magnifique. Et le plus bel album des Motels, c'est justement Le Petit Voleur. Hein, et le Monde de Shutdown. Ça ne s'invente pas, tu vois, c'est sur l'album Le Petit Voleur. Ah oui. Voilà, c'est grand. Mais on pourra se l'écouter après, on pourra le passer, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Voilà, on va faire une pause dans 5-6 minutes. Là, d'accord, on écoutera The Motels, encore une ou deux dépêches et on écoute The Motels. Non, on écoute, il y a le truc là de les rappeurs de. La Razia. Les rappeurs de Boulevcad, ouais, je les appelais. Ah, c'est un morceau, franchement, moi qui ne suis pas vraiment rap, tu vois, c'est. Là, pour le coup, coup de chapeau à la Razia. Alors, ça s'écrit différemment. Parce LRZ. Que, c'est LRZ. Alors, c'est sur le blog, vous pouvez le retrouver, mais on va vous le passer là. Donc, écoutez bien les paroles, c'est des rappeurs intelligents. Alors, donc la Razia, LRZ, le morceau s'appelle Rêve Solution. Et Boulevcad est toujours devant le 29 boulevard Haussmann, devant la Société Générale. Voilà, et dans le clip, Bruno Boulevcad apparaît, c'est un clip en soutien à Bruno Boulevcad. Alors tiens, avant que tu le lances, parce qu'on a encore 5-6 minutes. Vas-y. Alors, pour revenir à l'affaire du scandale de... tu sais, de l'espionnage de la NSA. Hein. Regarde bien à nouveau comment se comporte François Hollande, et héros. Hein. Voilà. Donc c'était en 1992 ou 13, je sais plus. Enfin bon, bref, moi je me souviens, c'était journaliste vraiment au quotidien à l'époque, je l'avais couvert là pour le coup. Quand le KGB a été pris la main dans le sac à espionner la France, surtout dans les vols technologiques, etc. François Mitterrand a pété un plomb. Il a expulsé 40 diplomates russes. Hein. Je me souviens, c'était génial parce que les mecs, ils avaient exactement 8 heures pour préparer leurs affaires ou une journée, je sais plus. Et donc, on les avait filmés. Alors, le mec, ils étaient tous devant l'ambassade. Ils étaient tous avec 25 sacs tati. C'était génial. C'était absolument surréaliste. Le mec, tu sais, ils avaient pas du tout prévu. Donc, ils repartaient. Ils avaient fait la radia chez tati. Voilà. Et donc, là, en revanche, la NSA pose des micros dans notre ambassade de Washington. J'en ai déjà parlé, mais je reviens dessus parce qu'il y a cette réaction de Rio de Janeiro. Donc, pose des micros dans notre ambassade de Washington. Pose des micros dans notre ambassade aux Nations Unies. Attends, c'est censé être un truc neutre quand même. Non, ils nous mettent des micros dans notre ambassade aux Nations Unies. Ils piratent les lignes de télécom du Quai d'Orsay et de l'Élysée. Et bien entendu, nous Matignon, ça va de soi. Hein, voilà. Et que fait Hollande? Que fait Hollande? Il défait son pantalon, il se couche, et mieux, hein, pour être aux côtés d'Obama. Et quand je dis au mieux, c'est il voulait faire la guerre en Syrie avec Obama, qui le prenait pour un crétin fini. Hein, voilà. Oui. C'est extraordinaire. C'est une humiliation totale du pays, de la France. Bon, on n'est plus à ça après, mais là, franchement, ça va trop loin. Alors, regardez bien le Brésil, comment les Brésiliens ont réagi. Hein, parce que la NSA, bien entendu, a espionné toutes les compagnies pétrolières qui sont concurrentes des compagnies américaines, bien entendu. Donc, ils les ont espionnées. Et donc, le gouvernement du Brésil, lui, a annulé une visite officielle de la présidente, Madame Rousseff, qui a demandé à Obama des excuses publiques. Hein, elle a sommé Barack Obama de présenter des excuses publiques au peuple brésilien. Hein, voilà la différence de traitement. Hein, voilà, on a à l'Élysée une couille molle. C'est vraiment, il n'y a pas autre chose. C'est même pas, c'est un lâche. C'est, je ne sais pas comment on peut. Enfin, je comprends pas ce mec. J'arrive pas à comprendre comment peut-on. C'est même pas un président de la République, ce mec. C'est un épicier. Et encore, je trouve que les épiciers, eux, font leur travail, tu vois. Hein, et ils font leur travail correctement. À quoi je pourrais le comparer? T'as une idée? Oui, franchement, je vois pas peut-être un teinturier. Et encore, c'est vrai que c'est méchant pour les teinturiers quand même. Pourquoi teinturier? Je sais pas, je vois bien avec une petite blouse, tu c'est vois. C'est parce qu'il se tire les cheveux? Oui, peut-être aussi, oui, je sais pas. En tout cas, sur cette affaire de la NSA, je me souviendrai toujours de ce que Manuel Valls, avait dit, Manuel Valls, qui était donc invité de Bourdin quelques jours après le départ de Snowden en Russie. Ouais. Et donc Bourdin lui dit, mais si nos amis, les Américains, nous écoutent, qu'est-ce qu'on fait? Et Manuel Valls de répondre, si les Américains sont nos amis, ils ne nous écoutent pas. Comme ça, le problème est réglé. On ne se pose même pas la question. Hein. C'est non, nos amis, ils ne nous écoutent pas. Bon, non, c'est... Mais attends, ils font on est vraiment dans le déni de réalité le plus total. Là. Attends, c'est absolument... les mecs, ils font dans l'angélisme. Ils sont complètement dans l'angélisme. Tiens, à propos d'ange, aujourd'hui, c'est la fête des anges gardiens. Ah. C'est le 2 octobre, hein, je précise. C'est la fête des anges gardiens, donc j'invite tous nos auditeurs et auditrices à, comment dire, à offrir une fleur à leur ange gardien. Voilà, hein, c'est plus le geste c'est symbolique. Hein, hein. Donc ça fait, tu marques symboliquement quelque chose pour ton ange. Hein, voilà. Donc bonne fête, chers auditeurs et auditrices, à votre ange que j'embrasse bien cordialement. Voilà. Pourquoi on parlait de ça, en fait? Ah oui, on parlait d'angélisme, voilà, justement, comment il s'appelle, Valls. Voilà, oui, c'est toi qui en parlais, justement. Oui, voilà. c'est vrai, l'angélisme de Valls, et puis finalement, on a appris que tout ça a été confirmé, que les Américains nous avaient bien écoutés, que les Américains avaient, comme tu l'as dit, mis des micros partout, dans toutes nos ambassades, qu'ils écoutaient les appels confidentiels de nos entreprises, de nos gouvernements, de nos parlementaires, et pourtant, il n'y a rien, pas de conséquences, pas de condamnation, même pas une demande d'excuse, au moins, comme dit Dilma Rousseff, je veux dire, ce serait un minimum, mais même pas ça, on n'a même pas droit à ça. C'est des ordures, c'est des enfoirés, ils nous volent, ils nous écoutent, hein. Et en plus, il faut leur dire merci avec le sourire. Ouais, voilà, en plus, il faut leur. Et Hollande, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire une quatrième Obama. Ouais, ouais. La réalité, c'est ça. Hein, si je devais faire une caricature, ouais, c'est ce que je ferais. Ouais, c'est ça, voilà, je le dessinerais en train de faire une quatrième Obama, littéralement. Hein, voilà. Non, mais c'est une honte. Ce mec est une honte ambulante. Hein, voilà. Donc, c'est sûr que c'est pas notre Molasson qui aurait fait une chose pareille. C'est ce que j'ai. Voilà. Donc, là, vous avez le lien sur la société de presse. Hein, dans Zero Hedge, on a parlé, mais toute la presse en a parlé. On a été la risée dans cette affaire. Hein. Comme d'habitude. Hein, depuis que Hollande est là, de toute façon. Déjà avec Sarkozy, tu vois, c'était horrible. Hein, vraiment passé pour des crétins finis. Mais alors, avec. Je pouvais pas penser qu'il y aurait pire que Sarkozy. Mais si. Et pourtant. Et il y a aussi l'aventure dans l'histoire de la NSA de l'avion du président de l'Équateur qui a été arrêté par la France aussi à la frontière. On en a parlé ici. Voilà, oui, c'est scandaleux. n'importe quoi. Mais c'est scandaleux. Mais c'est, ça a été purement scandaleux. On a violé les règles élémentaires de la diplomatie. Je veux dire, enfin, je sais pas. On a humilié un autre président. On a humilié un autre président en exercice. Hein, voilà. Tout ça pour faire plaisir aux Américains. Oui. Hein. On est devenus les valets des Américains. Avec Hollande. Enfin, avec Sarkozy, déjà, c'était le cas. Hein. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je me demande comment Sarkozy aurait réagi à ces affaires de NSA. Est-ce qu'il aurait été monté un peu plus le ton que Hollande, il aurait tout fait l'affaire. Se serait couché? Non, non, non, il aurait tout fait l'affaire. Sans aucun doute. Il aurait tout fait l'affaire. Il aurait demandé, comme Hollande, à BFM de faire un spécial crime horrible, enlèvement d'enfants. Enfin, tout ce que tu veux. De changer de sujet, on passe à autre chose. Tu sais, pendant 24 heures, tu sais, on recherche machin. Parlons un peu. Le corps de bidule, on recherche le corps de truc, tu vois. C'est ça. Les forces, la gendarmerie, les plongeurs sont là. Et comme tu disais, ça c'est de la sélection, c'est-à-dire des histoires comme ça, il y en a 30 par an en France, voilà, on en a autant qu'on veut, de temps en temps on en prend une et puis on la met en numéro 1 pour que ça, on en parle. Non mais attends, et quand ils en ont pas à se mettre sous la dent, hein, on l'a déjà dit, mais quand ils en ont pas, donc il y a toujours un procès, tu vois. Oui, là en ce moment, ça, c'est le procès d'un mec, je sais pas, qui a violé, je sais pas quoi, dit nana. C'est ça. Attends, c'est vieux de 10 ans, tu vois. Attends, est-ce que ça mérite d'envoyer une équipe de reportage en direct au palais de justice? Franchement, surtout, et toute la journée. Surtout pourquoi celle-là et pas une autre? Voilà, pourquoi celle-là, sans pas aucune une autre. Logique. Ouais, ouais. Ah, voilà, c'est de l'enfumage médiatique permanent. Voilà, voilà, chers amis auditeurs, auditrices, dans quel pays on vit? des merdias. Je crois qu'il est temps de faire une pause musicale. Ben justement, un groupe dont vous n'entendez sans doute pas parler dans les médias officiels, Larazia, LRZ. On va peut-être lire l'article je l'ai pas là, tu veux le lire? Alors, je le trouve un instant. Attends. Voilà, je l'ai là. Tu l'as? Donc, super rappeur avec Bruno Boulefkade. Donc, tu racontes, en 92 ou 93, j'avais découvert à Santa Monica, donc à Los Angeles, un groupe de pré-rappeurs appelé House of Pain. Je dis pré-rappeurs parce que les types savaient encore jouer d'un instrument. Je ne sais pas si ce groupe de rappeurs français sait lire une partition ou jouer de la flûte traversière ou du pipeau. Toujours est-il que ce clip entier devant le 29 boulevard Haussmann est très efficace, aidé par des paroles intelligentes, bien plus intelligentes même que celles d'une certaine grande banque malade. À ne pas rater, bravo à LRZ, donc Larazia, pour ce morceau de soutien. Ouais, écoutez bien, c'est vraiment bien, hein, c'est très très bon ça. Voilà, donc vous tapez Larazia, le morceau s'appelle Rêve, avec un S entre parenthèses. Ouais, ils l'ont sur le blog, vous allez sur le blog, vous l'avez exactement, dans la page. Il est sur le blog, au titre Super Rappeur avec Bruno Boulefkade, et eh bien on va marquer une pause musicale avec Larazia, donc, et leur morceau Rêve Solution. C'est grave, il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus rien. À un moment, faut bouger. Vous savez, quand j'étais à Lons-le-Saunier à moins 15 degrés et que vous étiez capable de me laisser crever avec une couverture sur le dos, je veux dire, à un moment, vous disjonctez, vous dites, ils sont même pas humains, ces jeux. Aujourd'hui, je suis devenu comme ça, c'est eux qui m'ont forgé, c'est eux qui m'ont fabriqué, ils ont fait de moi une bête de guerre. Mais aujourd'hui, c'est pas une histoire d'argent, je m'en fous de l'argent. Même s'il me fait un chèque de 400 000 euros, j'en ai rien à foutre. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Et après la prochaine étape? Dieu seul le sait. Tu crois pas qu'il est grand temps de changer, à nous de prendre les devants, à nous d'unir les camps au lieu de se voir comme des étrangers. Faire face à des humains, déshumanisés, des démons déguisés en costards qui siègent à l'Elysée. Je crois qu'il est temps de s'organiser, temps de préparer le futur pour le peuple tétanisé. Ouvrir les yeux, c'est le plus dur. Incapable d'agir, vous êtes tous victimes de votre silence. On les a laissés faire de nous les esclaves de la finance. Quoi? On va les laisser faire comme ça. Citoyens de France, faut-il que je vous crie aux armes? Justice et paix vont de pair, la crise s'annonce sur fond de guerre. Banlieue nord-sud prolétaire, comme Bruno, on est trop déter. Il est temps de tendre la main, redevenir humain. Qu'est-ce qu'on attend pour resserrer les rangs, serrer les poings? Y créer des besoins afin d'alimenter vos peurs. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos cœurs, car le bonheur n'est pas si loin. Quoi? Ça fait longtemps que ça dure comme ça. Quoi? On va les laisser faire comme ça. Même le reflet dans ton miroir semble avoir honte de toi. Quand tu vois pas que les réponses se trouvent au fond de toi. Si le combat est vrai, rend fier qu'il sort nos consciences de sous terre et qu'il sert à faire tomber les gardiens de cet enfer. J'dis pas le temps de polémiquer, on sait ce que vaut la monnaie. Celle qui dirige le monde et impose son dictat à l'homme. Leur plan convient escamoter, leur puissance est bien trop montée. La masse est laissée dompter, leur institution vient botter. Dis-leur que leurs heures seront comptées quand les divergences seront de côté. L'élite ferait bien d'écouter, le peuple ferait mieux de crier. Les délinquants sont les bandits, les criminels des vrais dandys qui crachent sur ceux qui m'ont dit. Partout, on fait l'incendie, la vérité est démentie. Quels sont les motifs? Donne-leur un bon bif à part l'intérêt, qu'est-ce qui les motive? Il est temps de tendre la main, redevenir humain. Qu'est-ce qu'on attend pour resserrer les rangs, serrer les poings? Y créer des besoins afin d'alimenter vos peurs. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos cœurs, car le bonheur n'est pas si loin. Quoi? Ça ça fait longtemps que ça dure comme ça. Quoi? On va les laisser faire comme ça. Même le reflet dans ton miroir semble avoir honte de toi. Quand tu vois pas que les réponses se trouvent au fond. Je suis incapable de tourner la tête devant un humain qui gît à terre. Je préserve mon humanité, mais faut-il se taire face aux banksters? Les laisser dicter la loi, et l'honnête vient hors la loi. Non, il n'en est pas question, s'il faut, je mourrai en soldat. Bientôt l'heure de la vendetta, oui, bientôt l'heure de la vendetta. Courez le cahier des charges, il vole, il tue, il nous rend marche. L'État nous a endettés, cette société, faut m'expliquer. Si l'homme a créé la dette, alors l'homme peut l'effacer. L'État dit pas la vérité, les médias disent pas la vérité. J'attends personne pour militer, mais sache qu'on est tous concernés. N'attends pas que ça soit ton tour, faut te sentir touché. Entends-tu le bon tabou, bouge-toi, ne reste pas couché. Il est temps de tendre la main, redevenir humain. Qu'est-ce qu'on attend pour resserrer les rangs, serrer les poings? Il crée des besoins afin d'alimenter vos peurs. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos cœurs, car le bonheur n'est pas si loin. Quoi? Ça fait longtemps que ça dure comme ça. Quoi? On va les laisser faire comme ça. Même le reflet dans ton miroir semble avoir honte de toi. Quand tu vois pas que les réponses se trouvent au fond de toi. L'homme n'est plus jugé pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il a. Il en est arrivé au point qu'il est ce qu'il a. Capturé dans les filets dans lesquels le système l'attira. La mafia usuraire voulait faire la guerre à la façon d'Attila. Mais tu croyais maquer qui là? Tu croyais que t'allais mater qui là? Quand dans le pueblo mettait la pila, ça fait mal comme la maquila. Le flingue, le banquier, le seul maculé, c'est moi le killa. Je suis paré pour le combat, si ça pète là, moi je prends le maquila. La cible c'est l'empire, nous le canon, notre trappe le boulet. Vous n'êtes pas à l'abri, faites attention, le sang va couler. Pas super-héros de Marvel, que des humains simples mortels qui veulent lutter contre Dajjal, faire tomber la tour de Babel. Il est temps de tendre la main, redevenir humain. Qu'est-ce qu'on attend pour resserrer les rangs, serrer les poings? Il crée des besoins afin d'alimenter vos peurs. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos cœurs, car le bonheur n'est pas si loin. Quoi? Ça fait longtemps que ça dure comme ça. Quoi? On va les laisser faire comme ça. Même le reflet dans ton miroir semble avoir honte de toi. Quand tu vois pas que les réponses se trouvent au fond de toi. Mais je l'ai accepté, c'est moi qui ai provoqué le combat, j'accepte les conséquences. Hein. Mais dans tous les cas, je mettrai jamais un genou à terre, c'est clair. Hein. C'est sans appel. Je l'ai dit tout le temps, c'est sans appel. Je dis aujourd'hui, s'ils veulent que je parte, bah, ils ont qu'à me fumer, mais de toute façon. Je suis pas suicidaire, hein, je le dis à tout le monde. S'il m'arrive quoi que ce soit. Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2 FM, sur internet ici et maintenant.com. C'était La Razia. Le morceau s'appelle Rêve Solution, donc soutien à Bruno Boulefkade. Et on va continuer avec l'autre morceau dont on a parlé tout à l'heure, The Motels. Vous le savez, les États-Unis, aux États-Unis, on parle beaucoup du, du Monday Shutdown en ce moment. Lapsus révélateur. Hein. Monday Shutdown, donc ben justement, c'est le problème du relever le plafond de la dette, etc. Voilà, le Monday Shutdown, Money Shutdown. Écoutez, on ne sait plus très bien. Et justement, c'est tiré d'un album qui s'appelle Little Robbers, ce qui veut dire tout simplement petit voleur. Ben voilà, ça leur va bien comme nom à tous ces banquiers, petit voleur. Et on va écouter le morceau des Motels. Oui, grand voleur, mais petit par le cœur, on va dire. On écoute donc les Motels, Monday Shutdown, un morceau qui date de 83. Donc voilà, les coïncidences sont nombreuses. On écoute. Here I am. down. Monday Shutdown, The Motels et la chanteuse Martha Davis. Voilà, un petit clin d'œil hein, avec ce morceau qui date de 83, mais qui est d'une actualité étonnante par le nom de l'album duquel il est tiré, donc Les Petits Voleurs, on l'a dit, et le nom du morceau Monday Shutdown, qui est à la une des médias américains en ce moment. Alors Pierre, puisqu'on parlait de la NSA juste avant la pause, autant continuer sur le sujet. J'ai là un article que tu as écrit donc pour le site quotidien.com, le site de ta revue de presse. La NSA a installé ses portes dérobées dans le réseau SWIFT et autres arnaques américaines. Oui, alors ça c'est très intéressant parce que ça n'a absolument pas été repris par la presse française. Je ne sais pas si tu l'as vu non plus. J'ai entendu parler du réseau SWIFT, mais quand on nous disait ça va être génial quand on aura le réseau SWIFT, on fera des échanges. Non, SWIFT c'est autre chose. SWIFT, si tu veux, c'est réservé. SWIFT c'est le réseau interbancaire. Oui, c'est réservé uniquement aux banques. Mais ce que déjà, si tu veux, les Américains ont forcé l'Europe à donner tous les mouvements sur tous nos virements. Hein, par exemple, toi, tu fais un virement, je sais pas, à ta cousine, à ta maman, n'importe quoi, tu payes un loyer, tu vois, par virement, paf, ça va être enregistré dans SWIFT. Enfin, en général, c'est quand même plutôt les virements internationaux. Mais tout ça est examiné par la NSA. Mais là, ce que tu vas lire, c'est encore pire que ce qu'on pouvait imaginer, tu vois. On apprend encore plus sur la NSA. Par exemple, que par un virement bancaire à l'étranger, que aucun virement bancaire à l'étranger ne lui a échappé, puisqu'elle avait des portes ouvertes dans le réseau informatique interbancaire. Donc c'est ce qu'on appelle des backdoors, hein, des portes arrière. Le fameux SWIFT, qui a d'abord éjecté l'Iran de son organisation, avant de suspendre le Vatican l'hiver dernier. Aucun paiement par virement international n'a eu de secret pour la NSA. Tiens, alors justement, bonne question aux gens de la NSA, hein, qui nous écoutent, a priori, qui écoutent tout le monde. Les grandes oreilles, oui, les très très grandes oreilles. Ouais, voilà, donc, puisqu'ils regardent tous les virements, comment ça se fait qu'ils n'ont pas vu les virements des mecs là, du 11 septembre? Ouais, c'est vrai ça, oui, le fameux conflit d'intérêts sur les agences. C'est une bonne question ça. Sur les deux compagnies aériennes concernées. Ouais. Voilà, hein, oui. C'est intéressant. Hein, tous les pirates là, qui avaient viré des sommes pas possibles, etc., pour payer leurs cours. Hein, enfin, les pirates, on sait pas. On sait qu'il y a une grosse arnaque, mais effectivement, pourquoi on ne nous sort pas les documents si la NSA enregistre tout ça? Bien sûr, bah voilà, ouais, une très très bonne question. C'est gênant, évidemment, là, on ne sort pas les documents, on n'a pas enregistré. Donc, à se demander même comment les terroristes ont fait pour arriver financièrement jusqu'au tour du World Trade Center. Dans le même genre d'arnaque, Matt Taibbi a révélé dans Rolling Stone que les Wall Street Banks, alors je vais lire en anglais, Wall Street Banks obtain market data 10 minutes before everyone else. Ce qui veut dire les banques de Wall Street obtiennent les informations du marché 10 minutes avant tout le monde, ce qui est largement suffisant avec le trading haute fréquence pour faire toutes les manipulations qu'on puisse imaginer. Ouais, c'est ce que j'ai dit sur une autre radio. En une seconde, ils arrivent à te faire, je ne sais plus, 50 000, 200 000 ventes, achats-ventes. Il y a le site, 10 minutes, c'est une éternité quoi. Au niveau financier, effectivement, c'est une éternité. On voit que même quand ils ont l'information une seconde avant, ça leur permet de faire des délits d'initié pas possibles. Et ça, c'est le site Nanex qui le révèle. Ils analysent les marchés à haute fréquence et on peut voir des reproductions des échanges de marché au millième de seconde. Hein. Je veux dire, c'est au millième de seconde, vous avez des échanges qui partent dans tous les sens. Donc ça se fait automatiquement, évidemment, et c'est extrêmement dangereux. Hein, pour le système financier, comme on en avait parlé plusieurs fois cette antenne, je pense que tu en avais parlé aussi, le hacking le piratage de l'agence AP, le compte Twitter avait été piraté, il y avait une fausse annonce concernant Obama et tout de suite les marchés s'étaient effondrés parce que les robots avaient analysé l'annonce. C'était des Syriens qui avaient fait ça, effectivement, des Syriens fidèles à Bachar el-Assad. C'est ce qu'on nous a dit. Moi, voilà. je pense que, enfin bon, hein. Il y a eu un mini crash en tout cas. pendant voilà. quelques minutes parce que les robots ont analysé l'information comme quoi Barack Obama aurait été blessé dans une bombe à la Maison Blanche. C'était évidemment faux et pourtant le marché a eu un mini crash quand même à ce moment-là. Donc je lis la suite de l'article. Donc autrement dit, Reuters vend ses informations financières à 16 sociétés 2 secondes avant de la balancer sur tous les téléscripteurs. Pourquoi Tiens, attends, non, là, mais c'est une bonne idée, ça. Je vais demander à nos auditeurs de s'abonner juste pour avoir la revue de presse, genre une minute avant que je la rende disponible, tu vois. Non, mais on pourrait faire ça. On pourrait faire ça, tu vois. C'est, ouais. c'est fort. Un abonnement premium pour avoir la revue de presse une seconde avant tout le monde. Oui, non, mais c'est exactement ce que fait Reuters. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. C'est énorme. Tout à fait. C'est fou. Donc, t'as la suite, excuse-moi, parce que moi je la vois pas la dépêche. Je continue. Donc, pourquoi 2 secondes avant? Eh bien, pour permettre aux fameux high frequency traders, donc les traders haute fréquence, qui gèrent 20 000 transactions à la seconde, d'avoir 2 secondes d'avance sur les autres high frequency traders. Donc là, c'est tout en anglais, donc je vais essayer de lire et de traduire en même temps. Bon, je vais peut-être lire ce qui est en rouge. Non, traduis-le, voilà, traduis-le en direct. Donc, Rolling Stone a appris depuis qu'il y a eu une plainte d'un whistleblower qui a fait une plainte à la SEC, donc c'est l'Institut de... C'est le Wall Street, c'est le gendarme de Wall Street. Voilà, gendarme de Wall Street, exactement, qui a identifié 16 des plus grandes banques du monde et des plus grands hedge funds comme étant les récipiendaires de ces données. Voilà. Voilà, de ces données avec 2 secondes d'avance et de ces données. 10 minutes. Alors, ils l'ont eu entre 10 minutes et 1 heure avant. Avant les autres marchés, c'est énorme quand même. Ouais, là, tu imagines bon, ouais. Attends, t'as le temps de t'en mettre plein les fouilles, comme dirait la blague des inconnus. Ouais, c'est ça. Plein les fouilles. Voilà, donc il y aura toujours des financiers qui feront tout pour vous plumer du mieux possible et avec des moyens que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc c'est un excellent papier de Taibbi dans le Rolling Stone magazine. Ouais, c'est pas son premier à Taibbi, il a écrit beaucoup sur le sujet, il est très performant sur ces sujets. Il est excellent. Alors revenons sur la NSA, car l'une de leurs astuces a été de pirater, alors j'en ai parlé tout à l'heure, c'était justement la société brésilienne Petrobras et d'autres compagnies, et de leur donner une fausse page Google. Écoutez bien, donc la NSA a piraté Petrobras. Alors imaginez par exemple qu'il pirate Total, hein, ou qu'il pirate Serge Dassault électronique, ou enfin avion, hein, voilà. Airbus. Voilà, donc au lieu de si tu veux qu'ils aient une vraie page Google, en fait ils ont une fausse page Google mais fabriquée par la NSA pour capturer l'ensemble de leurs échanges, leurs données, etc. C'est fort quand même. Ouais, c'est des enfoirés, ces Américains, c'est des enfoirés de première. D'ailleurs, attends, je cite. Là, je réponds à M. Manuel Valls, qui a dit donc à Bourdin, qui doit être un cousin de M. Bourdon, elle est bonne, qui lui a dit que les Américains sont nos amis. Hein. C'est ça. Alors, Monsieur Valls, Monsieur le ministre, permettez-moi de m'inscrire en faux, comme on dit. Les Américains ont rendu publique la liste des pays amis et ennemis des États-Unis. D'accord ? La France n'y est pas. Voilà. C'est pas un pays ami. Oui, et puis un ami qui vous espionne et qui met des micros dans votre salle de bain. Voilà, c'est fort quand même. C'est un ami, ouais, bien sûr. Tiens, à propos d'amis, tiens, il y a une excellente info qui va dans le puisqu'on est dans la logique. Hein. Les Américains ont offert du KY à Renault et Peugeot. Alors, Hollande est un naze. À nouveau, je me répète, je sais, mais bon. Rappelez-vous. Peugeot, PSA, a coulé parce que les Américains nous ont interdit de vendre des Peugeot aux Iraniens. Vous vous souvenez de ça? On en avait parlé. Eh bien, maintenant que plus personne n'a le droit de commercer avec Téhéran, devinez quoi? Les Américains ont levé les interdictions pour leurs entreprises. Tadam! Et voilà. Eh oui. Le 28. Alors là, je cite. C'était un coup à double détente. C'est Objectif Éco. Donc, c'est Elagos qui me l'a signalé. Donc, le 28 août dernier. Donc c'est pas si vieux que ça, il y a un mois grosso modo. Dans un article de macg.com, on apprenait, alors il y a le lien, hein, donc vous avez tous les liens sur le blog. Quotidien.com. Voilà, on apprenait que l'administration Obama levait la plupart des restrictions empêchant les entreprises américaines de vendre des équipements électroniques en Iran. Voilà. Pourtant, la veille, un article du journal, alors c'est du journal du siècle, je précise, annonçait qu'après Peugeot, Obama obligeait Renault à quitter l'Iran. Voilà. Quand on a des amis comme ça, dit le journal, mais je le reprends à mon compte, hein, je pense qu'on peut, toi aussi, oui, tout tous fait. Nos auditeurs, quand on a des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis, c'est clair. Hein. vivement le grand marché transatlantique, hein, nous dit notre lecteur. Au moins, on pourra faire des économies sur la vaseline. Fin de citation. Alors, je précise à un autre lecteur. Non, cher lecteur, les Américains n'utilisent pas vaseline. Ils sont pas très familiers avec ça. Mais ils utilisent KY, qui est leur crème favorite. Donc, vous avez un lien, allez voir, c'est très intéressant. Hein, si vous envoyez dans le sac d'une Américaine, c'est un message codé. No comment. Comprendront ceux qui vont comprendre. Voilà, ceux qui vont cliquer. Tout le monde lien. A compris. Voilà. Ouais, oui. Le lien donc KYKY, c'est voilà. Moi, je vous laisse découvrir ce que c'est. Tu connais j'ai cliqué sur le lien tout à l'heure et j'ai vu ce que c'était effectivement. Donc oui, on comprend le message codé. Voilà. Effectivement. Pardon. Il va en falloir beaucoup à François Hollande et Manuel Valls pour. Il va en falloir un paquet à Manuel Valls et François Hollande pour les soirées avec leurs amis américains. Hein. Effectivement, c'est à base de KY et de baseline, effectivement. Ah oui, non, mais là, c'est clair. C'est, vraiment, à ce niveau-là, c'est, je ne sais même pas si c'est suffisant, hein, à ce niveau-là. Franchement, François Hollande, il devrait donner les clés de l'Élysée à Obama, ça serait plus simple. Hein, oui, au moins, le ministère de l'Industrie à Wall Street, nos banques à Wall Street directement, c'est plus simple. Oui, déjà, nos banques sont contrôlées par Bruxelles, qui est contrôlée par Wall Street, donc autant y aller directement, tu vois, sans courroie de transmission. Hein. Quand on écoute Attali, c'est ça le but à terme, c'est d'avoir des institutions mondiales et que absolument. Tout soit géré par une seule personne. Oui. Le seul truc intelligent que Attali n'ait jamais dit ou écrit, et ça je maintiens là-dessus, c'est son livre Bruit. Voilà. Sur la musicien. Musique. Voilà. Sur la musique, oui, tout à fait. Parce que c'est sa passion, la musique, hein, il est chef d'orchestre. Et ça, c'est son premier livre, tout début c'est son de sa tout carrière. Premier, ouais. Il a publié en 1977. Ouais. Ouais, je l'avais lu à l'époque. Et c'est le seul truc intelligent qu'il ait jamais fait, écrit. D'ailleurs, je l'avais interviewé pour ça, dans l'un de mes livres. Donc, c'est et d'ailleurs, on l'a vu, hein, il a raison là-dessus. Hein, on l'a vu avec Martha Davis tout à l'heure et Little Robbers. Donc, et sur le côté prophète des musiciens. Des musiciens, ouais. Absolument. Voilà. Ouais. Et donc, évidemment, ce qu'il a dit de plus juste, c'était ça n'avait rien à voir avec l'économie. Hein, c'est ça que tu es en train de dire. Mais attends, il veut que Jérusalem, si mes souvenirs sont bons, et ça, que Jérusalem soit le centre du Nouveau Monde, c'est ça ? Il a dit qu'il trouvait que Jérusalem, c'était un joli lieu pour faire une capitale mondiale. Oui, enfin, c'est sa façon de dire qu'il veut que Jérusalem soit la capitale du Nouveau Monde, de cette espèce de nouvel ordre mondial, je sais pas quoi, enfin, le mec, il délire. Exactement. Hein. Ouais, c'est ça. Mais il délire. Hein. Mais après, tu m'étonnes qu'il y ait des mecs qui se pognent avec les histoires d'Illuminati, tu vois. Et quand on entend des discours comme ça, effectivement. C'est sûr, les mecs, là, ils partent comme des fusées. Ouais, complètement. Alors tiens, sur PSA, puisqu'on en parlait à l'instant, PSA a vu ses ventes baisser de 17%, alors que le groupe Renault affiche un 6% sans aucun doute aidé par les ventes incroyables de la Dacia. Oui. Le tout. Les chiffres d'ailleurs de vente de Dacia faussent les chiffres de Renault. Hein. Oui. Les chiffres de Renault sont bien meilleurs que ceux de Peugeot. Hein. Oui, Peugeot. Peugeot a un vrai problème. Moins 17%, effectivement. Non, mais Peugeot a un vrai problème. Ils ont un problème de carrosserie, de design. C'est un côté. Je sais pas, c'est un truc qui date des années 80, leur bagnole, quoi, maintenant. Oui. On a l'impression que c'est volontaire, tu sais. Qu'ils sont en train de. Tu sais, comme diraient les anglo-saxons, des phase-out. Je sais pas comment on pourrait traduire ça. Régresser. Phasing out. Non, c'est effacer. Tu sais, phasing out, c'est comme une lune. Ah oui, c'est tu oui. Tu sais, c'est comme t'as la pleine lune et puis progressivement elle disparaît. Disparaître progressivement. Phasing out. D'ailleurs, c'est un truc lunaire. Hein, c'est pour désigner en anglais, pour désigner les phases de la lune. Ils hein. sont sur leur phase terminale, quoi. Phase terminale. Voilà. Ouais. On a l'impression que c'est vraiment chez PSA, ils veulent ne pas vendre de bagnole, tu vois. C'est tellement leurs voitures elles sont moches. Bah, effectivement, le seul marché à peu près correct qu'ils avaient, c'était l'Iran et ils l'ont jeté à la poubelle pour faire plaisir aux Américains. Donc effectivement. Oui, mais qui veut racheter toutes les concessions? C'est Chevrolet, ça on l'a vu avec Laurent, on l'a chroniqué ici depuis 3 ans, on les a vus arriver les mecs de Chevrolet, qui voulaient prendre la place de Peugeot, hein. Oui. C'est pas innocent, et on laisse faire, c'est pas innocent, gentiment. Oui, ouais. Oui, bah, bien sûr qu'on laisse faire, hein, évidemment, je sais pas qui est le patron de PSA, mais c'est un crétin fini, hein. Parce que quand on voit leur bagnole, je veux dire, ils pourraient se bouger les fesses quand même, je sais pas, a priori c'était la famille Peugeot. C'est la famille Peugeot, a priori. Bon, c'est vrai qu'il faudra vérifier si c'est toujours la famille qui non, non, mais tu sais, tu as. Je veux dire, quand je parle de ça, excuse-moi, je me suis mal exprimé. Mm-hmm. C'est le chef du design. Oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Le chef du design, tu vois. Il y avait, par exemple, chez Rover, hein, dans la grande époque de Rover, tu vois, un truc qui a disparu là aussi. Il y avait un type qui était génial qui s'appelait Bach. Qui lui avait dessiné la Rover, la SD1, ou je sais pas comment, la Vandenplace 2006, etc. C'était des voitures magnifiques, tu vois. Et tout ça a disparu. Mais c'était des questions en ligne. Rover vendait ses voitures parce qu'elles étaient belles, avant toute chose. T'achètes pas une voiture parce qu'elle est moche, hein, tu vas pas rouler dans une poubelle. Même si le moteur est parfait. Enfin, je sais pas, ça me paraît tellement évident. Oui, oui. Oui, hein, et quand tu vois les bagnoles, t'as l'impression que c'est Peugeot, t'as l'impression que c'est des voitures de livraison. Oui, ils ont pas envie de les vendre, effectivement. Non, non, non, mais je sais pas, il y a une volonté hein, chez eux. Hein, c'est assez étrange, d'ailleurs. D'ailleurs, tu sais quoi ? Hier, je suis sorti d'un entretien, d'une interview, et je traversais le boulevard... je sais plus comment s'appelait ce grand boulevard. Toujours est-il qu'il y a eu un accident. Il y a un mec qui a brûlé un feu rouge, un plombier dans une 4L ou enfin dans une espèce de fourgonnette de livraison. Et il y avait un type qui a avancé donc au feu vert. Et c'était une Peugeot noire. Tu sais les cabriolets là, je sais pas quel est le modèle. Ils se sont frités. Attends, j'ai eu l'impression d'avoir assisté à la scène du corneau. Tu sais, là, entre De Funès et Bourville, tu sais, quand elle explose sa deux chevaux, tu sais, quand elle tombe en morceaux. Oui. Attends, la Peugeot, elle est tombée en morceaux exactement comme dans le film. Et là, je me suis dit, putain, les mecs de Peugeot, là, ils déconnent quand même. Parce que ça, c'était bon, tu vois, il y a 40 ans, mais pas en 2013. Oui, c'est peut-être un clin d'œil à De Funès. Hein, après. Attends, la voiture, tu sais, le truc avant, il n'y avait plus rien. Bon, pourtant, c'était pas non plus un grand choc. Hein. Le mec, il a pas eu le temps d'avancer à 80 km/h. Tu sais, démarrait au feu vert, quoi. La voiture, mais comme dans le film Corneau. Désolé. C'est le mec, c'est qui sur action volante. Alors, pour finir sur l'article, donc les ventes en baisse oui. de PSA, le tout a été confirmé par les ventes globales européennes, moins 5,2% sur les 8 premiers mois de l'année, à 7,84 millions par rapport à l'an passé, nous dit AP. Même l'Allemagne a baissé de 5,5%, en revanche, seuls les riches s'en sortent puisque toutes ces ventes sont en hausse. Hélas, comme à son habitude, cette baisse de PSA n'annonce rien de bon pour novembre et décembre, pas plus que pour le PIB. Bah, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y aura encore des licenciements chez PSA, hein, parce que mécaniquement, c'est ça que... depuis 5 ans, ça, je l'ai vu venir à chaque fois, c'est-à-dire baisse consécutive de 4-5 mois, tu vois, boum, licenciement de 2000-3000 personnes. C'est mécanique, ils ne peuvent pas tenir autrement, de toute façon. Voilà. Et qui dit baisse des ventes de voitures, etc., bah c'est abaissement de la note de la France. Alors hier, j'ai vu un reportage, je ne sais plus sur quelle chaîne, peu importe, les ventes de voitures se portent très bien, Renault, machin. C'est faux, c'est archi faux. Même si Renault, effectivement, parce que la nouvelle voiture, la Captur, a beaucoup de succès, c'est pas pour autant que le marché de la voiture en France, tout constructeur confondu, se porte à merveille. Ça, il faut arrêter. Mais tu vois, c'est le message qu'ils essaient de faire passer. Que tout va bien, que les Français ont retrouvé la niaque, tu vois, ouais. Et qu'ils n'hésitent pas à s'endetter sur 3 ans, 4 ans pour acheter ou louer une voiture, quoi. Voilà. Et on peut aussi se dire que à terme, il faudrait penser à une autre façon de vendre des voitures et d'arrêter de penser que les gens vont changer de voiture tous les ans, ce qui ne se fait pas. Au bout d'un moment, voilà, on a une voiture, on la garde 5 à 10 ans. Et il faut peut-être aussi que le monde de l'auto se dise que vouloir toujours. On a l'impression qu'ils vendent des bonnes voitures pour que tu changes au bout de 3 ans. Quoi, ouais, hein. C'est ça, ouais. Ouais, complètement. Attends, j'ai eu mon beau-père, je m'en souviens parce que j'ai usé mes fonds de culotte là, dans la voiture, tu vois. Il a une Skoda. Hein, à l'époque, c'était vraiment fabriqué en Tchécoslovaquie, tu vois, la Skoda des années 70, il a aligné 400 000 km dessus. Oui, la Skoda de l'URSS. Tchécoslovaque. Bah oui, effectivement, et même une 400 000 bornes. Même une 2 chevaux de l'époque, si on la connaît bien, on peut la garder jusqu'à la fin de sa vie. Tu vas pas changer de bagnole tous les 3 ans, enfin, c'est un gâchis absolument invraisemblable. Quoi. On te parle de bonus, malus écologique, tu vois. Mais le truc le plus gros, c'est-à-dire le gâchis, les mecs veulent que tu changes de bagnole au bout de 3 ans, ça, ils ne voient pas que c'est un gâchis absolument phénoménal. Le gâchis écologique, oui, monstrueux. C'est le plus grand gâchis. C'est le plus grand gâchis qui puisse exister, véritablement. Au lieu de faire des voitures solides, voilà, on fait des voitures dont on est sûr. Oui, des trucs de consommation. Obsolescence programmée, encore exactement. Une fois. Exactement. Exactement. Oui. Alors là, je ne sais pas par quoi continuer. 5 years after Lehman. D'accord. Hein, parce que le 29 septembre, c'était il y a quelques jours. Tu l'as, non ? 5 years after Lehman. Mieux vaut lire ça que d'être aveugle. oui, voilà, je l'ai. À la date anniversaire de la chute de Lehman Brothers, après la folie. Cette fois, c'est la démence qui s'est emparée des politiques américains. Clairement, le peuple le plus dangereux et meurtrier sur cette planète, même si Larry Summers n'est plus candidat à la Fed. Imaginez que l'État de l'Iowa, ah oui, c'est hallucinant, a décidé de permettre aux aveugles, partiels ou totaux, d'acheter, de posséder et de transporter sur eux des armes. Des armes à feu, hein, précisons. Oui, oui, oui. Moi aussi, j'ai vérifié le calendrier. On n'est pas le 1er avril, à moins qu'à Des Moines, donc Des Moines, c'est dans l'Iowa, ouais. Ils vivent dans une autre dimension temporelle. Prochaine étape, leur donner le permis de conduire poids lourd et autobus, puis, pour les plus doués, de passer la licence de pilote. Au point où on en est arrivé, avec ces dingues, on peut même laisser les aveugles faire des études de chirurgie ou passer le concours de police. Pour courir après les voleurs, je ne vous raconte pas. Je vois là, mais je vois bien ça. Effectivement, oui. Après tout, c'est vrai que voilà, tu le dis après. Mais à bien y réfléchir, je comprends mieux pourquoi aucun banquier de Wall Street n'a été rattrapé à ce jour. Les gendarmes de la SEC, tout comme ceux de l'AMF, sont déjà tous aveugles. À quand un sourd et muet pour remplacer François Langlais sur RTL et France 2? Voilà, lire sur USA Today. Donc voilà, les aveugles ont le droit de posséder des armes à feu dans l'état de l'Iowa aux États-Unis, dans la ville de Des Moines. Ville d'ailleurs d'où vient le groupe de metal Slipknot, hein, qui était un peu connu pour leur folie. Donc on comprend bien que cette ville, effectivement, ne crée pas que des lumières. Quoi, voilà, et c'est Monsieur Chappelle, hein, donc qui l'avait vu ça pour nous, pour USA Today. Non mais attends, mais c'est des malades, mais c'est des tarés, non mais c'est un peuple de cinglés, mais c'est pas possible, attends, tu donnes pas un permis de port d'armes à des aveugles quand même, c'est comme si tu leur donnais le permis de conduire, tu vois, ça revient au même, hein, oui. Techniquement. Je comprends même pas l'argument qu'il peut y avoir pour soutenir une telle volonté, quoi. Alors attends, j'ai vu des reportages sur les télévisions locales, tu sais, sur Des Moines TV, tu vois. Tu sais, c'est Hey Witness News Des Moines, tu vois, tada news, breaking news. Alors les mecs, ils interviewaient un aveugle, hein, qui était dans un Walmart ou enfin bon, un truc dans ce genre-là, tu vois, donc tu vois, il regardait même pas la caméra, c'était assez surréaliste, parce que le journaliste l'interrogeait, c'est le mec qui regardait à côté, bon, et c'est normal, c'est un aveugle, et le mec il t'explique froidement, tu sais, qu'il est ravi de pouvoir acheter une arme et de pouvoir s'en servir en cas de besoin. J'aimerais que le mec, et le journaliste n'a pas eu la présence d'esprit de l'expliquer sur qui il va tirer, ou dans quelle direction. Ouais, mais il a le droit de se défendre lui aussi, hein, il a le droit. Oui, mais où? Mais où? Et contre qui, ouais. Mais contre qui? Tu vois, ça se trouve, il va descendre sa femme, tu vois. Ouais, non, c'est... Ou son môme, tu vois. Non, mais c'est n'importe quoi, mais attends, ou son chien, son chat, enfin, je sais pas. Mais c'est débile, mais ils sont fous, ces Américains. La preuve, ça, pour moi, c'est une... Cette dépêche, si tu veux, c'est vraiment le... Comment dire? Le symbole de la folie américaine qui conditionne le reste du monde avec leurs feuilletons de merde, hein, tous leurs feuilletons. D'ailleurs, tu remarqueras, si tu zappes sur ta télé, t'as 80% des trucs qui défilent, c'est que des trucs américains. Ouais, hein, parce que ça coûte moins cher à racheter que bien sûr, ils les ont amortis 20 000 fois, donc voilà, ils le refilent à l'Europe pour 2 000 euros. Quoi, voilà. Donc le peuple français est en train de se transformer, parce que ça fait 40 ans qu'il se tape des feuilletons américains à la con, et donc cette façon de penser anglo-saxonne, hein, transparaît maintenant dans toutes les nouvelles générations qui arrivent, c'est normal, hein, c'est complètement normal. Tu vois, en France, tu voyais jamais les mômes se beurrer la gueule dans la rue, etc. Ça, c'est un truc typiquement anglo-saxon. Hein. Maintenant, tu le vois partout en France aussi. Hein, c'est le binge, je sais pas comment on appelle ça. Drinking, le binge drinking, tu le voyais jamais ça avant. C'était typiquement... et encore, c'était pour fêter les fins d'études. Hein, c'était quand ils ont obtenu le diplôme, donc là, ils ont profité une fois par an, ils se peintaient tous. Maintenant, c'est tous les week-ends. Hein, et maintenant, c'est tous les week-ends. À Cambridge aussi, ils faisaient ça, mais une fois par an, quand ils avaient obtenu leur diplôme. Mais pas dans le reste de l'année. C'est comme dans les pubs londoniens, on voit les filles qui sortent en mini-jupe. Mais c'est voilà, et c'est les films américains qui ont popularisé ce truc, et donc ils le font toutes les semaines. Ouais, et aussi l'arrivée massive de la cocaïne est aussi beaucoup due aux films américains qui ont rendu ça très sexy, etc. Ouais, c'est tout à fait. On est dans une modification du comportement par des messages répétés à l'infini par les séries. D'ailleurs, t'as vu qu'il y a un avion d'Air France là qui s'est retrouvé avec, je sais plus, c'était combien? Plusieurs tonnes, je sais plus combien exactement, mais le mec, ils avaient dit que c'était de l'engrais, c'est ça, de l'engrais pour fleurs. Et en plus, Manuel Valls, qui se vante de cette capture. Je veux dire, si le truc a réussi à monter dans l'avion là-bas, c'est qu'il y a bien un problème. Il y a un problème grave. Il y a un sérieux problème, tu vois. Il y a de la corruption dans l'air du côté d'Air France à Caracas, tu sais. Oui, effectivement. Non, mais il y a les deux dindes là sur Canal+, là, tu sais, les deux travelots là, qui... Oui, dans le Grand Journal. Non, c'est le petit journal. Ouais, elles ont dit c'est un avion de ligne. C'est un avion de ligne, effectivement. Un avion de ligne blanche, oui. Ouais. J'ai trouvé ça génial. C'était vraiment très très bon. Bon, bref. Alors, attends, revenons à... Alors là, il y a un PS, c'était, mais alors c'est juste, quoi ? Juste pour préciser, c'était 1,3 tonne qui a été retrouvée dans cet avion de. Quand même, tu vois, ouais. C'était pas un kilo. Ouais, non, c'était pas un kilo. Alors, suite à mon retweet alors, sur le fait que l'or et l'argent, malgré toutes les magouilles et planches à billets, ont fait plus de 75% depuis 2008. Oui, parce que je précise quand même que depuis que je fais cette revue de presse sur le blog, hein, parce que les gens me demandaient ce qu'il faut faire, donc je leur dis, bah, vous achetez de l'or, de l'argent, c'est la seule chose qui vous reste. Hein, voilà. Malgré toutes les magouilles qu'on a pu voir, qu'on a commenté ici et sur le blog, à ce jour, l'or et l'argent, donc... a fait 60 plus 75%. Voilà. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Zero Hedge a publié tout un tableau, enfin Zero Hedge lui-même a repris un autre site sur l'or, je sais plus lequel, a publié un tableau mettant tous les investissements côte à côte et leur performance sur 5 ans. Voilà, donc vous avez le lien, cliquez ici, regardez bien. L'or et l'argent sont loin devant. Voilà. Donc c'est depuis la banqueroute de Lehman Brothers. Voilà. Et donc PS2, alors là j'ai mis sur la dépêche, donc j'ai constaté, alors ça c'est vrai, je pense que tous nos auditeurs parisiens l'ont vu aussi, une baisse du prix de l'immobilier à Paris. Et je peux vous dire que d'ores et déjà, des dizaines de milliers de Parisiens ont la tête sous l'eau. Hein, la tête sous l'eau, ça veut dire que on continue à rembourser pour le prix d'une maison qui entre-temps a baissé. Hein, c'est ça, avoir la tête sous l'eau. Ce qui vous annonce plus ou moins une crise de subprime à la française. Ça, je devrais revenir pour 2014. Donc, c'est-à-dire, on continue à payer un appartement oui. Dont le prix s'est effondré, oui. Donc on paye beaucoup plus cher. Par exemple, t'as acheté un truc, je sais pas, je dis n'importe quoi, 500 000, d'accord ? T'as acheté un truc à 500 000 euros, et en fait, tu l'as acheté en 2008, on va dire, voilà. Mmh. Ou 2009, peu importe, et aujourd'hui, bah, le 500 000, il vaut plus que 420 ou 450. Tu vois, oui, donc déjà, tu rembourses tu vois, 50 000. Hein, voilà, c'est, plus les intérêts, en plus, qui sont toujours là, évidemment. On parle même pas de ça, mais c'est typiquement, si tu veux, c'est ce qui a créé la crise des subprimes. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Oui, donc on est peut-être à la veille d'une crise immobilière en France aussi, comme il y a eu en Espagne et aux États-Unis. Oui, alors puisqu'on parlait de l'or, justement, parce que beaucoup de lecteurs m'ont dit « Oui, mais moi, j'ai acheté de l'or. » Alors, bah, effectivement, ils ont acheté de l'or, tu sais, là, au moment où il y a eu toute la bulle, mais ce n'est pas grave. On le répétera jamais assez, ne vous occupez pas du cours de l'or, de toute façon, parce qu'ils ont tout essayé pour le ramener à zéro, ils n'ont pas réussi, il est toujours à 1300 et quelques, ils ont réussi à le décimer, mais ce qui est intéressant à observer, depuis quelques semaines, c'est que maintenant, si tu veux, c'est un peu comme un battement de cœur. C'est-à-dire que les mecs, ils attaquent l'or, tu vois. Et c'est de plus en plus souvent. Et donc, ça fait ça. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Alors qu'avant, tu sais, l'amplitude, elle était. Enfin, c'était beaucoup plus long. Hein, c'est les attaques. Et tu vois, il se passait un mois, deux mois, trois mois entre les attaques violentes pour faire baisser l'or. Et l'or remontait toujours. Hein, et puis, il réattaquait, etc. Mais maintenant, c'est quasiment tous les jours. Tu vois, ça fait ça. Ch'toum, ch'toum. Et je trouve que de l'amplitude, tu sais, devenant de plus en plus assurée, ça. Pour moi, c'est très très mauvais signe, si tu veux, ça veut dire qu'on va à l'arrêt en fait. Hein, oui. C'est comme une crise cardiaque qui va arriver, parce que s'ils ont besoin de l'attaquer tous les jours maintenant pour le faire baisser, ouh là là là, ça veut dire qu'il y a des banques là, notamment JP Morgan et autres, qui n'ont pas assez d'or dans leur coffre et refusent, d'ailleurs de plus en plus de banques, on a vu ça cet été, oui. Qui refusent maintenant de donner les lingots d'or à leurs clients. Même à l'État alors que les crétins, ils ont acheté des EDF, oui, hein, des EDF. De leur papier. EDF. ETF. ETF. Oui. Ouais. Et même l'État allemand qui voulait récupérer ses lingots d'or, c'est vu. C'est Richard Today qui montrait ça. Les Américains, on a refusé de leur ouvrir les salles, on leur a montré sans qu'ils aient le droit de toucher. Enfin, un truc complètement fou. Je veux dire, on est vraiment là, c'est du n'importe quoi. Tiens, tu peux lire, c'est là, fausse rumeur sur l'or, ça date de hier. Oui, je l'ai mis en place hier. Voilà, donc je rappelle à nos auditeurs, pardon, on ne peut pas traiter toutes les informations, on ne peut pas revenir, il y en a vraiment beaucoup trop. Oui. Hein, je ne sais pas si la caméra, non, je ne sais pas si les auditeurs voient toutes les dépêches qui sont étalées sur le papier. Ouais. Voilà, donc il y a encore plus d'infos sur le blog, et donc tout ce dont on a parlé ici, vous le retrouvez sur tous les liens, etc. Vous pouvez commenter, faire votre propre analyse. Voilà, je l'ai là. Tu l'as là ? Parce que ça date de hier, ça. Fausse rumeur, hein, pour faire baisser le cours de l'or. Lundi, les rumeurs ont été répandues. Lundi dernier, des rumeurs ont été répandues de Rome comme quoi la Banque d'Italie et la Banque de France allaient vendre leur stock d'or pour, rester assis, soutenir leur économie. Donc c'est énorme. Ha ha ha. Vraiment, ils sont fous. Mais ils sont complètement fous. Mais en plus, c'est des fausses rumeurs. Oui, en plus, c'est des fausses rumeurs. Ils en sont là, les nuls. Seul problème, ni les Italiens ni les Français n'auraient aimé que leur or soit vendu pour sauver une nouvelle fois le dollar américain. La Banque de France, comme l'italienne, ont été obligées de démentir à toute vitesse. C'est la première fois en 5 ans que la Banque de France est obligée de publier un communiqué officiel disant « nous ne vendons pas notre stock d'or ». C'est la première fois, attention, et c'est, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'histoire de l'amplitude, c'est que là, ça devient de plus en plus, tu vois... Ça s'emballe. Ça s'emballe très très fort, et ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas assez d'or, donc les mecs, ils essaient, tu vois, de faire baisser pour... Mais il n'y a pas, ils n'ont plus d'oxygène, là l'eau était, tu vois, elle est arrivée au niveau du nez, là, ils ne peuvent plus respirer, tu vois, la bouche, ça c'est fini, plus en plus difficile, ça devient de plus en plus... Excuse-moi, voilà, ouais, on est d'accord. Et cela même, donc voilà, la Banque de France a été obligée de démentir et la banque italienne à toute vitesse, et cela au même moment où le PDG de la plus grande banque italienne démissionnait soudain de ses fonctions. Oui, tiens, pourquoi le PDG d'une banque tout d'un coup a besoin de prendre des jambes à son cou? Voilà une bonne question. Il y a une autre affaire, on pourra en parler après, ouais, je pense. Ouais. Comme quoi, tout va bien dans le meilleur des mondes, donc lire la dépêche sur Reuters, vous l'avez sur le site quotidien.com, dès que la rumeur a été démentie, l'or est reparti à la hausse. Mmh. Et voilà. Et oui, ils en sont là à balancer des conneries pour permettre à leurs copains de jouer à la baisse ou à la hausse sur juste quelques heures. En fait, pour moi, si tu veux, c'est pour baisser l'or. Si tu veux, parce que là, les spécialistes, j'ai discuté avec... en fait, ils disent que tout ça est dû au fait que trois grosses entités anglo-saxonnes sont en panne d'or. Voilà. Donc, elles essayent, je pense notamment à la JP Morgan, de tout faire pour baisser l'or de manière à ce que ça leur coûte le moins cher possible en compensation physique. Argent papier. Hein, parce que tu leur dis, bon, t'as pas le lingot d'or que tu me dois, hein, donc grosso modo 40 000, bah, tu me payes 60 000. Hein, c'est 20 000 de pénalité. Quand les gens acceptent, hein, parce qu'il y a ceux qui n'acceptent pas, hein, et qui exigent le physique. C'est un peu comme si... C'est l'idée, hein, mais c'est un peu comme si vous avez commandé, hein, je l'ai déjà donné ici, vous allez chez pas Peugeot, mais moi, vous allez chez Renault, hein, vous commandez une Captur, hein, la nouvelle voiture, ou chez Volkswagen, hein, la coccinelle, hein, et donc le mec vous dit, bon, ok, donc vous signez là, vous me donnez votre chèque, vous aurez votre voiture dans 2 mois, hein, avec votre couleur, machin, bisous. Et deux mois plus tard, vous arrivez, vous demandez votre coccinelle, et le mec vous dit, ah, monsieur, non, j'ai plus de coccinelle, je peux pas le donner. Donc, et bien entendu, vous demandez le remboursement de mais comme c'est de l'or, si tu veux, c'est pas une voiture. Donc, ils sont tenus de te donner ton lingot d'or. Ils sont obligés de te... Sinon, c'est des pénalités. Voilà. Ouais. Hein, et donc, ils sont obligés de payer le prix de la coccinelle plus 10 000 ou 15 000 euros ou 20 000 euros de pénalités. C'est ça, le truc. Et puis c'est comme si le patron de le concessionnaire te disait, mais vous avez un petit papier avec écrit que vous avez une coccinelle, donc contentez-vous, ouais, de voilà, ça. Voilà, qu'à lui donner un petit modèle réduit. Voilà, oui, c'est ça, un modèle réduit, voilà, avec un petit papier. Et voilà, un petit modèle télécommandé, tu vois. Ouais, non, c'est des escrocs. Sur le marché de l'or, si tu veux, est totalement escroqué par les ETF. Hein, on ne le dira jamais assez. Pour 100 certificats ETF, alors qu'ils sont censés avoir, pour 100 certificats, ils sont obligés d'avoir 100 lingots. En théorie. Hein. Mais eux, l'escroquerie se trouve dans le fait qu'il n'y en a qu'un seul de lingots, hein, qu'ils ont vendu 100 fois, donc. Hein, oui. Dans le genre Ponzi. Mais pourquoi le Washington et la SEC ont permis ça? Pourquoi il n'y a pas? Mais c'est pour maintenir le prix d'or le plus bas possible. Voilà la raison. Voilà la raison. Et c'est pour ça que je dis, quand tout ce bins là va exploser, le prix de l'or, il ne sera pas à 1300, hein, il sera à 5000, 10000. Voilà, donc c'est une assurance totale, c'est une assurance sur la vie, littéralement, l'or. Hein. Il n'y a que deux choses qui vous verraient, c'est l'immobilier et l'or. Hein. La pierre et l'or. Ouais, sauf que sur l'immobilier, tu vois, les mecs, ils peuvent te taxer autant qu'ils veulent, tu vois, hein, toutes les taxes possibles et imaginables. On le voit bien en ce moment, oui. Alors que sur le lingot d'or, ils ne peuvent pas te taxer. Ah ah, ça, c'est un vrai problème, ils ne peuvent pas te taxer chaque année. Oui, tu peux l'enquêter. Quoique, ils seraient capables d'inventer une... Oui, c'est vrai, hein, que... Bah, ah, oui, on a bien vu, tu en avais parlé dans un de tes livres, hein, ce qui a été fait aux États-Unis par Roosevelt. Bah oui, bah voilà. Voilà. Typiquement, c'est le genre de choses qu'on peut faire pour quand même taxer l'or, quand même récupérer l'or. Bon. Et tu remarqueras que il n'y a que Roosevelt qui a osé faire ça. Oui, même les Allemands, ils n'ont pas osé le faire. Et pourtant, ce n'était pas l'envie qui leur manquait. C'est vrai. Parce que la première chose que les armées d'Hitler avaient faite, hein, on l'a déjà vu, on l'a déjà parlé, hein, quand ils ont envahi la Tchécoslovaquie, hein, ils ne sont pas allés à l'opéra. Hein. Ouais, même la Grèce. Ou à la bibliothèque, hein, ils sont allés à la banque centrale, hein, ramasser les lingots. Même les Grecs. C'est la première destination d'une armée d'occupation, je te signale. Ouais, tout à fait. En France, c'était pareil. Hein, la première... Quand les Allemands sont arrivés à Paris, ils sont allés directement place des Victoires, là où il y a les souterrains de la Banque de France. Oui. Et les Grecs faisaient valoir il y a quelques mois. Les Chypriotes aussi. Voilà, les Chypriotes, que les Allemands pourraient rembourser les lingots d'or qu'ils avaient volés à l'époque. Bien sûr. Ouais. Mais bien sûr. Tout à fait. Mais ils ne les ont jamais rendus. Alors, tiens, à propos de Chypre, enfin, excuse-moi, continue. Je vais lire la fin, puisqu'on parle d'or volé. Donc, c'est dans le deuxième PS de cet article sur l'or. Vous avez tous vu le vol d'or à bord du vol Air France, ou plutôt Air Lingot, lire sur TF1. 300 kilos d'or de Paris vers Zurich ont été volés. Monsieur Gabriel nous dit, il y a eu 44 lingots volés. Mais ce qui m'interpelle le plus, c'est que 300 kilos d'or sortent de France à destination de Zurich. Excellent. Alors, Monsieur Gabriel, bien vu, hein, c'est-à-dire que vous avez entendu, vu hein, les papiers dans le Figaro ou la télé, etc., personne n'a posé cette question. Oui, que faisaient ces lingots dans l'avion? Bien sûr. Alors, donc là j'en appelle à nos auditeurs lecteurs, si quelqu'un a des informations précises, je suis preneur, hein, parce que j'aimerais vraiment savoir, il y a deux possibilités là, hein. La première c'est, toi t'as pas dormi toi? Pas énormément. T'as fait du binge, donc il y a la, comment dire, la première possibilité c'est que le vol... Elle est bonne. J'ai pas fait exprès. Le vol Air France, hein, là, ça fonctionne dans les deux sens pour le coup. Le vol Air France, les lingots étaient en correspondance. Hein, c'est-à-dire que c'était, par exemple, je sais pas, Sénégal-Paris, hein, et puis donc à destination de la Suisse. Et donc ils reprenaient un autre vol Air France pour être livré à Genève. Ou alors c'était effectivement quelqu'un qui rapatriait tout son or vers la Suisse. Dans ce cas-là, qu'on nous explique qui c'est, parce qu'il me semble que les douanes, là, ils sont... Hein, parce que toi, si jamais tu franchis la... si on te contrôle et on te prend avec 10 000 et 1 euro, hein, t'es passible de toutes les ennuis et tracasseries des douanes. Tout à d'accord fait. Il faut que tu aies 9 999, je crois, ou 10 000 euros maximum sur toi. Voilà. Mais si tu as 10 000 et 1 euro, alors là, attention, là, tu vas être traité comme un malpropre, trac fine, machin, et tout... Là, tu as 300 tonnes. Ou si tu as une cartouche de cigarette en trop, aussi, tu vas avoir plus de 300 problèmes kilos, qu'avec... 300 kilos, excuse-moi. Ouais, 300 kilos. T'as 300 kilos. Donc, c'est quand même pas rien. C'est la même chose. C'est quand même... C'est énorme. Oui, ah, c'est clair. C'est... Donc, 44 lingots, c'est quand même... Une somme, je ne sais pas combien ça représente, il faudrait voir au cours de l'or actuel, mais 300 kilos, combien ça représente d'argent ça, c'est... Je te signale que Sarkozy avait vendu, je ne sais plus, je crois que c'était 500, c'était 600 kilos lui, 600 tonnes pardon. 600 tonnes à l'époque. À l'époque, pour sauver le cul du dollar. Soi-disant pour relancer l'économie, l'économie. Non, c'était même pas ça, c'était à la demande des Américains. Comme, j'ai toujours dit que Sarko était un agent de la CIA, mais bon, ça c'est mon... exactement comme le premier ministre anglais. Hein. Y a David Cameron. Il y a un film là-dessus, comment il s'appelle, du réalisateur suisse, là, Polanski. Hein, qui montre que le premier ministre anglais, c'est Ghostwriter, je crois que ça s'appelle le film. D'accord. Hein, que le premier ministre est un agent de infiltré de la CIA lorsqu'il faisait ses études en anglais aux États-Unis justement. Hein, c'est intéressant. Enfin bref, pour revenir, donc il a vendu l'or de la France pour rien. Il a vendu l'or de la France pour rien. Il a vendu, je crois que c'était à 200 euros. À 200 dollars l'once. Oui. 200 dollars l'once, tu imagines, aujourd'hui tu es à 1300. Multiplié par 10, oui. Oui, non, c'est clair que il y a un problème. Ouais, on te dit l'or, l'or baisse, etc. Tu as tous les soi-disant commentateurs économiques qui te disent l'or n'a aucun intérêt, machin, etc. Pourtant, qu'est-ce qu'on vole? On vole que de l'or, les mecs, ils volent pas de papier. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je te dis, tu t'offriras jamais une bague de fiançailles en carton à ta copine. Hein. Non, c'est sûr. Hein, ça ne tiendrait pas l'idée, en billet de 500 euros. Ouais, effectivement. Le jour où sera la valeur du PQ, effectivement, c'est pas avec ça que... Ouais. C'est génial. C'est absolument génial. Tiens, alors, l'un de nos lecteurs nous dit, à propos de l'argent métal, pour le coup, il dit qu'il rentre de... Donc, c'est un Lyonnais. Il dit qu'à Lyon, il n'y avait plus... Enfin, d'après, selon lui, hein, je ne sais pas s'il a fait toutes les boutiques de Lyon, mais plus aucune pièce de 50 francs Hercule. Bon, je suis même étonné qu'il y en ait encore à Lyon, hein, en train de se dire. Le mois dernier, nous dit-il, j'avais réussi à en sortir, mais là, surprise, ce matin, il n'en restait plus qu'une seule. Voilà. L'or se trouve encore assez facilement, mais l'argent, voilà. Vous remarquez, donc là, c'est moi qui dis que, bien qu'il y ait une pénurie totale de pièces d'argent en France, et aussi aux États-Unis et dans le reste du monde, tu vois, y a le cours de l'argent ne monte pas. Ça aussi. Alors qu'il devrait être à au moins 50, voire si ce n'est pas 70 dollars l'once. Voilà. C'est que des magouilles comme ça. C'est pour sauver le dollar. Et les Américains, là, sont arrivés au bout. Hein. D'ailleurs, on voit bien que... voilà. Donc, si tu as une autre info, je vais regarder si, jamais il y a une révolution entre temps. J'avais une info, puisque tu parlais, on parlait tout à l'heure de la démission du banquier italien, d'un grand banquier italien, démission un peu étrange. Et justement, là, il y a encore une affaire étrange concernant des banquiers. C'est le directeur financier d'une banque, d'un méga assureur suisse, donc Pierre Vautier, ex-JP Morgan, au passage, qui se suicide. Donc, oui. Voilà, ce n'est jamais très bon signe quand un assureur se suicide. En fait, le message envoyé est que Zurich Assurance est dans une situation telle que seul le suicide se présentait comme porte de sortie à son directeur financier. Mais on en a déjà parlé avec Laurent, il y a c'est lors de la revue de septembre, ça. C'est quelle date? Ah, c'est vrai que c'est 2 aussi septembre. J'étais remonté un petit peu trop dans le passé. Tu vois que j'ai une très bonne mémoire là. Oui, effectivement. On semblait qu'on en a parlé. Voilà. Alors moi, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé là et pourquoi justement les Américains sont dans la panade la plus totale. Je sais pas si tu vois cette Ben Tarzan, hein, Ben Tarzan, oui. Seigneur de la jungle et de la monnaie de singe. Alors, vous avez remarqué que, enfin, à la radio, comme je n'avais pas parlé du programme tapering, hein, et pour cause. Puisque le tapering, en fait, c'était le programme de la Banque fédérale américaine de désengagement progressif de la planche à billets. Techniquement, il voulait dire qu'ils arrêtaient la planche à billets tout doucement. Hein, voilà, c'est ça le. Voilà. Un certain nombre de traders avaient quand même parié dessus. Je dirais même que la très grande majorité de traders avaient parié sur le fait, effectivement, que la Fed allait supprimer progressivement la planche à billets. Eh bien. Et donc ils avaient matraqué l'or, hein, ils l'avaient joué à la baisse. Et, en l'espace de 5 minutes, quand Ben Bernanke Tarzan a annoncé qu'il n'y aurait pas de tapering et qu'il continuait la photocopieuse nucléaire, la folie s'est emparée de Wall Street. Le cours de l'or a pris 54 dollars en 10 minutes, parce que tout le monde a compris que c'est tout simplement la fin du dollar. Et c'est vrai que là, c'est pour le coup, c'est la fin du dollar. Certains disent que sur le départ, Bernanke n'avait plus de raison de rendre des services à Obama. Peu importe. Le résultat est là, du papier, du papier, du papier, par centaines de milliards de dollars Xerox, Lexmark et Epson. Youpi ! Les bons du trésor seront achetés avec des millions de ramettes A4 500 feuilles de 80 grammes, sans aucune contrepartie, bien entendu. Même de la peau de python. Voilà. Alors, de son côté, notre commentateur préféré, Ambrose Evans Pritchard, a souligné lui aussi la folie qui souffle à Washington, paniquant au vu de la montée du chômage et du nombre de gens au food stamps. Hein, vous savez, le food stamps, c'est les gens qui n'ont plus aucun revenu. Voilà, c'est le ticket alimentaire de survie. Hein. Donc, il dit que le taux de participation est arrivé à 63,2% hein, de travail, hein, le plus bas depuis les années 70. Le taux pour les hommes est le plus bas. Le taux du chômage est en train de baisser, mais principalement, pas parce que les gens ont trouvé du travail, mais parce que les gens ont abandonné tout espoir et donc ils sortent des stats. Donc s'il y a 63% de participation, ça veut dire qu'il y a 37% de chômage. Je ne sais pas si on peut dire de chômage, mais en tout cas de non-participation à l'activité économique. Bah, tu sais bien que la Fed se garde bien, si tu veux, mais que leurs chiffres sont bidonnés. C'est-à-dire bien qu'ils sûr. Te donnent un chiffre. Ils font exactement comme avait fait Hollande, là, ou Sapin, il y a 15 jours. Oui, ils te donnent un chiffre, et puis 15 jours après, ils reviennent dessus. Et au bout de finalement, on a les vrais chiffres, c'est pas les bons, etc. Oui. Hein, mais ceux-là, tu les clairement pas. Il y a 20 000 les personnes qui ont été écartées pour rien. Voilà. Et donc. Excuse-moi. Alors, donc, Pritchard dit, il dit, un certain nombre de gouverneurs de la Fed sembleraient vouloir se laver les mains. Hein, genre Ponce Pilate, tu sais, du sort des chômeurs. Hein, alors que le Chicago Tribune, hein, dans les années 30, traitait en fait les chômeurs comme des tirs au cul, quoi, hein, grosso modo. Je ne sais pas comment tu traduirais Shirkers. Hein, voilà. Et Ambrose souligne, comme nous d'ailleurs, hein, comme tout le monde, que aujourd'hui, 20,2% des ménages américains ne survivent que avec des tickets de rationnement, oui, des tickets de restauration, des food stamps, des. Je sais pas comment on peut traduire ça. J'ai jamais réussi à le traduire correctement. Des tickets de survie. Hein. Moi, franchement, j'appelle ça les tickets de survie parce que pour nous, l'équivalent, c'est les Restos du Cœur. C'est ça, hein, exactement. Donc, ça veut dire 20% des foyers américains vivent au restaurant, ne survivent que grâce au Restos du Cœur. On pourrait dire ça comme ça. Oui. Hein, voilà. Ouais. Voilà. Alors, le plus intéressant dans l'article de Ambrose, c'est que c'est le passage qui parle d'une répétition de 2007 selon un ponte de la International Settlement, de la banque de Bâle, hein, la banque suisse. Alors, bon, je vous résume tout ça. Il dit grosso modo que là, la situation est infiniment plus grave qu'en 2007, hein, et que c'est une grosse bulle et que, voilà, que tout ça, ça va nous exploser avec parce que ça a créé en fait de nouvelles bulles, de bulles, hein, tout simplement. Alors, nous sommes en effet dans le tourbillon qui va mener à une nouvelle crise. Et cette fois, le peuple ne se laissera pas tondre une seconde fois par les politiques vendues aux banquiers. Ce sera en fait la révolution. Il va de soi que grâce à cette décision soudaine, il y aura du sang sur les murs dans tous les pays dont le commerce repose sur le dollar américain. Voilà la réalité. Hein. Les Indiens avec leurs roupies, les Indonésiens avec leurs assignats, et tous vont pleurer à être payés avec de la monnaie de singe. Mais après tout, Edgar Rice Burroughs était américain, et c'était lui le créateur de John Greystock, le roi des singes. Donc Tarzan, hein, voilà. Tu peux nous trouver un cri de Tarzan là, j'essaie sur de YouTube. Trouver ça. Chaque fois qu'on va parler de Ben Bernanke maintenant, c'est le roi des singes, tu sais, le roi de la monnaie de singe. Ce sera le cri de Tarzan. Ce sera le cri de Tarzan. C'est assez surréaliste comme ça. Pardon, si un jour je pensais mélanger Tarzan à des histoires financières, tu vois, je l'aurais jamais cru. C'est vraiment étonnant. Hein. Voilà. Je pensais pas qu'il serait aussi fort, je suis désolé. tu m'as envoyé 200 watts là. J'ai pris le premier qu'il avait sous la main. Bon, bah, voilà, le cri de Ben Bernanke. Tu peux le repasser. On va le repasser tout doucement. Tout voilà, doucement. Tout doucement. Est-ce qu'il met un peu de temps? Voilà, eh ben, c'est le roi de la monnaie de singe. Voilà, hein, le roi de la monnaie de singe, Washington. Tarzan Bernanke. Tu sais qu'il est au chômage là. Ah oui, forcément. Le mec est au chômage, attends, c'est énorme. Ouais, peut-être que lui aussi va finir. C'est absolument énorme. Il va peut-être finir en food stamps lui aussi. Ils vont tous finir en food stamps. Attends, tu plaisantes à ces mecs là, ils se sont mis tellement d'argent dans les poches. Attends, c'est énorme. Tu m'as dit, il était 4h30 déjà. Oui, et on a même pas fait la moitié des articles, je crois. On n'a même pas fait la moitié. Alors qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qu'il y a de... Tu as vu quelque chose dont tu veux parler en particulier là? Sinon pour tout le reste, bah, rendez-vous sur... pendant que tu regardes, il y a ça. J'en ai une pas mal moi, mais vas-y. Alors, pourquoi Le Drian, le ministre de la Défense, prend les militaires pour des crétins, pour rester poli? Alors voilà, en juin dernier, vous avez vu que M. Le Drian avait fait tout le plateau de télévision devant des journalistes aux questions bien complaisantes, disant qu'un numéro vert a été mis en place pour les militaires, les familles de militaires, que ça allait régler le problème des militaires non payés avec des logiciels bidons, avec le logiciel Louvois, hein, à demi fabriqué par Steria et l'intendance. Alors lisez bien, c'est de septembre ça, hein, c'est dans une presse locale, voilà. Agnès, maman de 3 enfants, blabla, a accepté de témoigner, nanana, afin que son mari, tenu par le devoir de réserve, ne puisse pas être... Nanana. Alors, elle témoigne du cauchemar. Un peu par hasard, elle s'est rendue compte que le salaire du mois d'août de son mari n'était pas tombé. Donc, après de multiples appels, numéro spécial vert ouvert pour l'occasion, ben, monsieur Le Drian, nanana, au centre communal d'action sociale de sa commune, au conseil général, à la caserne, j'ai pris rendez-vous chez mon banquier pour voir s'il était possible de faire, car on a 2 emprunts sur le dos, pour la maison et pour la voiture. Comme tous les Français, ils ont une maison, ils ont un emprunt pour la voiture, tu vois, et pour la voiture. Et mon mari a demandé une avance qu'il n'a pas eue, hein, parce qu'elle disait mais rien n'est arrivé pour l'instant. Et donc le banquier était compréhensif. Je souligne, hein, c'est important. Et elle est tombée sur un banquier compréhensif, donc elle a du bol. Parce que sinon, elle aurait rejoint la cohorte de tous les militaires interdits de checker. Hein, tu imagines, voilà. Donc, lire ici le journal de la Saône-et-Loire. Hein, donc c'est, je remercie ma lectrice qui me l'a signalé. Notez au passage que les Gauloises en colère se sont tues. Hein, la DPSD, la police militaire, est passée par là avec son carnet de chèques. Hein, donc les Gauloises se sont fermées leur gueule. Ben, c'est bien dommage que les Gauloises en colère ne continuent pas, parce que c'est pas fini ces problèmes. Hein, voilà. Et alors, du coup, j'ai eu un autre mail d'un lecteur. Alors lui, les gendarmes, alors je vous lis brièvement, hein. Dans l'armée, les conneries n'ont pas suffi, il faut les exporter. Et donc, l'un de nos lecteurs gendarmes nous dit, nous avons récupéré à la brigade un t-shirt dans un véhicule volé, dans une petite ville d'Evreux. Bon, peu importe. Donc c'était, alors sur le t-shirt, juste, c'était amusant, enfin, amusant pas trop, c'est la France qui est incluse dans une carte géante de l'Afrique, tu vois. Donc c'est l'africanisation de la France, voilà. Donc il y a des t-shirts qui circulent maintenant, voilà. Alors, il nous dit, avant hier, j'étais sur les rangs pour la prise de commandement de mon nouveau commandant de compagnie. Comme à chaque fois depuis toute ma carrière, je ne peux m'empêcher d'avoir la chair de poule et de ressentir un très grand sentiment de fierté quand sonne la Marseillaise. Mais cette fois-ci, j'en avais gros sur le cœur. Parce que, dernière nouvelle en date, pauvre de nous, dans quelques mois, la gendarmerie va adopter le fameux logiciel pour la gestion de soldes Louvois. Enfin, faut le faire quand même. On sait que le logiciel ne fonctionne pas, et on va le mettre à la gendarmerie maintenant, donc c'est bien la preuve. Tous mes camarades qui partent en OPEX, nous dit-il, tous les détachements, la prime d'alimentation mensuelle pour les gendarmes adjoints volontaires, 5 fois un an de contrat avant de tenter la carrière de sous-off, j'ai commencé à diffuser l'info, lorsque cela touche les sous, les gens rigolent jaune. Et je les comprends, on va vraiment s'amuser, nous dit-il. L'armée plus gendarmerie nos payés, il y aura des étincelles, tu m'étonnes. Mais tu m'étonnes. Ouais, voilà. Et alors, juste, alors, vas-y, lis la nouvelle, parce que je voudrais quand même aborder deux choses. Une information majeure que j'ai complètement omise, je ne sais pas pourquoi. Oui, alors, moi j'hésitais, il y en a plusieurs qui me semblent intéressants. Bon, je prends la première que j'ai là. Hervé Kempf qui démissionne du journal Le Monde. Non, c'est trop vieux, on l'a déjà fait. C'est vieux, vous l'avez fait? C'est oui, 9 au 13 septembre. On l'avait fait. D'accord. Je l'avais commenté. Vous l'avez commenté, d'accord. Je l'avais commenté à ce moment-là. Très bien. Dans ce cas, est-ce que. Non, ça, on l'a dit aussi. Non, je voudrais revenir sur quelque chose qui est quand même extrêmement important. Oui. Attends, voilà, c'est là. C'est là parce qu'on en a parlé en antenne tout à l'heure. C'est impôts, licenciements, etc. Voilà. En France, officiellement, 1,5 million de personnes sont passées de 0 euros d'impôts à 400 euros, voire 600 euros, hein, soi-disant, pour aider la France. Lire pour sauver les putes de banquiers en faillite. Ça, c'est moi qui le dis. Donc, c'est dans Le Parisien. En vérité, c'est bien plus. Hein, moi, je pense que c'est beaucoup plus que 1,5 million. Hein, de gens qui n'étaient pas imposables. C'est surtout des retraités. Hein, c'est surtout des mamies, des papys, tu vois, qui payaient peut-être, je sais pas, 10 euros, 50 euros ou 100 euros d'impôts, oui, qui, du jour au lendemain, se retrouvent à 500, 800, voire 1000 euros. Voilà, oui. Là, c'est ça la réalité. Alors que déjà, ils crevaient la... Enfin, déjà, tu vois, On voit des personnes âgées qui fouillent dans les poubelles et qui ont beaucoup de mal. Voilà, ouais. Voilà. Ouais. Et en vérité, donc, c'est beaucoup plus que 1,5 million. Moi, je pense que c'est 2,4. Hein, pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui les services informatiques de Bercy sont complètement dépassés. Il y a des millions de gens qui n'ont pas encore reçu leur feuille d'impôt, dont moi d'ailleurs. Donc ça te montre, tu vois, à quel point ils n'ont pas le personnel pour gérer tout ça, ni même les programmes, manifestement. Enfin, je sais pas comment. Oui, alors embaucher des gens pour lutter contre la fraude fiscale, ça permettrait de faire entrer des milliards par an dans les caisses de l'État. La fraude fiscale à haut niveau, je veux dire. Hein. Google, attends, excuse-moi, Google, Amazon, Google, attends, ils sont Total, en Luxembourg. Ouais, ouais. Hein, ils payent, quand ils font 100 millions, ils vont payer 10 000 euros d'impôts, tu imagines? Ouais, en Irlande ou le Luxembourg. Et c'est la même chose en Angleterre. Hein. Tout à fait. Ils ont fait je ne sais plus combien de milliards, ils n'ont payé que 10 millions. Ou même une entreprise française hein, comme Total, oui, qui rentre 15 milliards chaque année. Mais tu vas piquer ça dans l'argent des retraités qui, ouais. En plus, qui n'étaient pas imposables depuis des années, tu vois. Ouais. Non, mais c'est scandaleux. Et leur prendre un mois de retraite par an alors qu'ils ont déjà du mal à journée de boulot. Exactement. Donc c'est un acte de suicide pur pour le gouvernement héros Hollande, un gouvernement dit de gauche. Hein. Moi, je dis simplement que si Sarkozy, pour lequel j'ai le plus grand mépris, hein, aurait fait cela, tous les syndicats et partis de gauche seraient déjà dans la rue. Vous pouvez faire les plus belles saloperies à votre peuple du moment que vous vous dites socialiste ou de gauche. Et je rappelle à nos auditeurs qu'on n'a pas entendu Mélenchon sur cette affaire. Le Parti communiste, ou tu sais, les Besancenot et les agents de foire, là. Hein, voilà, on les a pas entendus à la défense des retraités. C'est intéressant, ça. C'est intéressant. C'est la destruction de la classe moyenne française, c'est la destruction maintenant des retraités, parce que la classe moyenne a déjà été rétamée. Donc maintenant, ils vont chercher l'argent chez les retraités. Qu'est-ce qu'ils vont faire, tu crois, les retraités? Tu sais, le petit retraité qui a travaillé toute sa vie pour sa petite maison de banlieue de Danières, hein, ou de je sais pas où, enfin tu vois, il a son petit appartement, c'est le seul bien qu'il a. Avec la hausse des impôts, plus la hausse des impôts, taxes foncières, etc. Mais attends, le mec, il va se retrouver avec quasiment deux mois de revenus à payer uniquement en impôts. Il va être obligé de vendre sa maison. Comme en Grèce, les retraités sont pressés de la même façon. Je l'ai vu, j'y étais la semaine dernière. C'est exactement la même chose. Le ministre grec a dit aux retraités, vendez votre maison pour payer les impôts. Authentique. Et c'est exactement ce que dit Sapin, là. Hein. Voilà, donc on a un gouvernement de corrompus totaux qui préfère mettre à genoux le peuple français, hein, pour donner l'argent aux putains de banques américaines. Voilà la vérité. Hein, et ça, c'est purement scandaleux. Moi, je te jure, mais j'en ai la rage. Oui, c'est monstrueux. Attends, le nombre de gens que j'entends autour de moi, tu sais, moi j'ai 50 ans, donc mes amis, si tu veux, en général, c'est dans la tranche d'âge, enfin, la grande majorité, c'est dans les 40-50, tu vois. Et donc, leurs parents, forcément, hein, ils ont 70 ans. Voilà. Oui. Ils sont déjà à la retraite. Eh bien, ils me disent que leurs parents ont reçu leur feuille d'impôt, qu'ils sont en train d'hurler. Et attends, parce que là, ils ont reçu les impôts locaux, juste les taxes foncières, tu vois. Oui. Et tout est comme ça. Et les gens, mais tu crois vraiment que... Enfin, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps ce gouvernement de pignouf, de pingouin va tenir. Mais pendant combien de temps va-t-il sodomiser les Français avec leurs impôts pour payer les banques américaines? Voilà la question. Peut-être que les Français ne se révolteront pas. Peut-être que De Gaulle avait raison. Les Français sont dévots. C'est possible, j'en sais rien. Je ne le crois pas. En tout cas, sincèrement, je ne le crois pas. Celle qui bénéficie de ça, c'est Marine Le Pen, clairement. Je pense qu'elle, là, elle a un tapis rouge qui lui est déroulé. Et elle va... Enfin, je veux dire, chaque jour, joue en sa faveur. Tout tourne pour elle en ce moment. C'est vraiment... elle n'a rien à faire. Elle n'a rien à faire. T'as remarqué, elle ne dit rien. Hein, on ne la voit pas. Enfin, on la voit de temps en temps. On parle d'elle, mais... Mais elle ne dit rien. Ouais. Elle ne tient pas du tout le discours que j'ai tenu là. Hein. Elle a pas pris les retraités, par exemple, l'exemple des retraités, pour monter au créneau. C'est un vrai scandale. Hein, elle ne fait rien. Si tu veux. Elle ne profite même pas de la vague, d'ailleurs. C'est intéressant. C'est je ne comprends pas trop, d'ailleurs, sa stratégie. Mais je la comprends pas. Je ne comprends pas la stratégie de Marine Le Pen depuis longtemps. Depuis la dernière présidentielle, effectivement. Depuis qu'elle a pris même sa campagne présidentielle, j'ai pas compris. Hein. On est d'accord. Hein, parce que t'as vu comment elle a. Hein, au début, elle voulait sortir de l'Europe, et puis ensuite, avec l'arrivée de Philippot, changement de. Tu vois, changement ouais, de. C'est effectivement, c'est un peu étrange, politiquement. Hein, mais en tout cas, là, les mecs, ils lui déroulent un tapis rouge. Là, aux municipales et aux européennes, ça va être fabuleux. Oui, hein. Oui. Ça va être fabuleux. Les ça va être les chômeurs, les retraités. Les retraités, tu peux être sûr. Parce que, attends, on parle des retraités, là, qui n'étaient pas imposables, qui le deviennent. Mais ce que tu ne vois pas, c'est tous les gens qui ont reçu, qui payaient déjà des impôts, qui ont reçu leur paye et qui se retrouvent avec des sommes considérables à payer en plus. Il y a des gens qui me disent maintenant je travaille 4 mois ou 6 mois pour payer juste mes. Je ne travaille que 6 mois pour moi, tout le reste je le donne à ces connards. Hein, voilà, c'est ça qu'on entend aujourd'hui. À la limite, si les impôts, on savait que ça allait améliorer les routes, etc., permettre d'avoir de bons services publics, on pourrait comprendre. Mais là, en plus, c'est pour le donner à des banques, c'est pour le donner à des escrocs et des voleurs. Donc voilà, il y a deux choses. C'est-à-dire, il le donne aux banques et puis il le donne, tu sais, à tout principalement, c'est à Marseille, tu sais, aux jeunes désœuvrés, pour qu'ils fassent pas de bêtises. Donc ils inventent le RSA pour les jeunes, voilà. Donc c'est encore, des milliards, tu sais. Ouais, mais à la limite, c'était à des associations de quartier qui faisaient un vrai travail de terrain, mais même ces associations disent qu'elles reçoivent pas un euro. Elles ne peuvent pas le faire. Évidemment, tous les budgets ont été. Ah. Et voilà, et tout ça, c'est pour payer la dette et les intérêts, sur les intérêts. Oui, tout à fait. Enfin, je sais pas, bien sûr, 50 milliards par an. Tu traites suffisamment d'actualité à l'antenne pour voilà, tu le vois. 50 milliards par an qui s'évaporent et qui partent dans le paiement de ces intérêts. Des conneries. Oui, d'accord. Tout ça pour sauver la banque, les banquiers qui sont en faillite. Hein. Je rappelle, hein, Banque Postale, hein, avec Dexia qui est derrière, hein, Crédit Agricole, Société Générale, BNP, c'est limite, hein, c'est limite. Hein, voilà. Caisse d'épargne, oh, Caisse d'épargne, c'est beau ça, c'est Natixis. Les bonnes affaires. Les bonnes affaires, tu vois. Voilà. Hein, non, mais voilà, c'est... Il y a un autre article, je ne sais pas si vous en aviez parlé avec Laurent, je ne pense pas, parce que c'est postérieur. La raison pour laquelle Berlusconi a été tué politiquement. Réponse, l'euro. Alors, est-ce que tu souhaites parler de ça, Julie ? Alors, tu l'as toujours défendu ici. J'ai toujours défendu Berlusconi. Toujours défendu Berlusconi. Toujours. Ça m'a valu beaucoup d'intimité avec, bien entendu, les gens d'extrême gauche. Hein. Tous les mélanchonistes. Oui, vous défendez Berlusconi. Bah oui, je défends Berlusconi, je défends son peuple. Et ton intuition ainsi que celle d'autres lecteurs a été la bonne. Berlusconi défendait les intérêts de l'Italie. Ils l'ont tué parce qu'en octobre 2011, bon, ils l'ont tué politiquement, hein, parce qu'en octobre 2011, il avait voulu sortir de la zone euro pour revenir à la bonne vieille lire afin de sauver son pays de l'effondrement. Mmh. Et au lieu de ça, il a déclenché lire. Elle est bonne. Il a déclenché lire, effectivement. Ouais. L'apostrophe. Je l'ai pas écrite, mais ça m'est venu l'instant. les dirigeants européens ont tout fait pour le discréditer. Sarkozy en tête. Pour ceux qui disent que Sarkozy égale Berlusconi, voilà, ça les fera réfléchir un peu peut-être. Oui. Ce qui explique certainement pourquoi autant de jeunes nymphettes armées de magnéto ont atterri dans le lit du Cavaliere. Oui. Bah évidemment. Dans l'ombre, Mario Draghi l'a achevé en menant une attaque en règle contre les bons du Trésor italien, dont les taux avaient, rappelez-vous, cramé, mettant le pays en danger et amenant Berlusconi avec à la démission. Avec Laurent, on a chroniqué ici, on l'avait dit avant même que ça se passe. J'ai dit que Berlusconi est maintenant poussé à la démission parce que tous les marchés financiers se sont mis contre lui et que c'était un mot d'ordre donné, hein, pour l'éjecter, pour le tuer, et que c'était les marchés financiers qui l'avaient tué. Hein. Il ne faut pas oublier, dans les taux des bons du Trésor italien, c'était littéralement envolé, s'approchait des taux grecs. Hein, le mec, il n'avait pas le choix. Oui. C'est, il restait et les financiers mettaient son pays à genoux en comme la Grèce. En plus, c'est cette période, la rentrée 2011. Mais oui. Et donc justement, c'est l'insider Lorenzo Binis Maggi, insider de la Banque Centrale Européenne, qui a dit Silvio Berlusconi a réfléchi sérieusement à des plans pour retirer l'Italie de la zone euro en octobre-novembre 2011, le moment où il y avait eu le fameux référendum, enfin la tentative de référendum grec sur la sortie de l'euro d'ailleurs, c'était cette période-là très trouble. Donc précipitant son limogeage immédiat de son office et sa décapitation par les gendarmes politiques de l'Union Européenne. Oui, bah, évidemment, avec la NSA qui écoute, tu penses bien que la NSA, parce qu'il ne faut jamais oublier que l'Union Européenne n'est que le masque des États-Unis. Hein. Donc la NSA travaille pour Bruxelles. Hein. Donc en écoutant les portables et en vérifiant les communications, hein, ils ont dû voir à quel point... Mais Berlusconi, c'est pas Strauss-Kahn. Hein. Berlusconi, c'est un mec qui a un appétit sexuel. Hein, voilà, mais c'est pas Strauss-Kahn. Il va pas violer les filles. Hein. C'est pas la même chose. Hein. C'est Berlusconi, il est normal. Et donc, ils l'ont mis entre les pattes des petites nymphettes. Alors, tu m'étonnes, le mec, il a 70 ans. Une gamine de 20 ans, tu vois, le mec, il pète un plomb. Normal. Hein, voilà. Et donc après, tu vois, la fille télécommandée, tout de suite, elle va raconter sa vie dans les divers trucs pour le démolir. Hein. Si c'est pas un truc télécommandé, je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc, il écrit Lorenzo Binis Maggi, spécifiquement, Berlusconi a discuté ou menacé les autorités de retirer. Mais il avait menacé. Donc, il a menacé les autorités européennes de retirer l'Italie de la zone euro dans des discussions privées avec d'autres membres de gouvernement de l'Union économique. Non, tu ne peux pas te rappeler parce que c'était avec Laurent, excuse-moi, mais il y a eu une passe d'armes entre Sarkozy et Berlusconi. Hein, Berlusconi ayant traité Sarkozy de Stronzo, si mes souvenirs sont bons. Oui, voilà. Stronzo, c'est effectivement une insulte. Ouais. Et Sarkozy humiliant avec Angela Merkel publiquement Berlusconi. Oui, tout à fait. Tu te souviens de ça. Hein, oui. On les avait vus. Ils se sont dépêchés de passer les images. C'est intéressant. Et donc justement, là, c'est ce qui est dit. Donc c'était une opération télécommandée pour sortir Berlusconi parce qu'il voulait quitter l'euro. C'est ce qui est dit. Au nom de l'Italie. Berlusconi aurait menacé les dirigeants européens, notamment Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, de retirer l'Italie de la zone euro. Binis Maggi continue et note, alors là, je n'arrive pas à comprendre la phrase. Peu importe. Voilà, que ce serait Draghi qui serait à la manœuvre dans cette affaire. Bien sûr. Dans cette affaire. Mais bien sûr. Autre italien. Mais le plus intéressant est là. Regardez. L'Allemagne est en effet on the hook, je sais pas comment. Accroché pour 574 milliards d'euros de crédit de la Bundesbank aux banques centrales grecques, portugaises, irlandaises, italiennes, Chypre et slovènes. Voilà, là on a les six pays qui posent le plus de problèmes, donc Grèce, Portugal, Irlande, il manque l'Espagne. Donc tout va bien tant que les Allemands paieront pour tous ces pays. Le souci, c'est qu'il manque l'Espagne et que ce cirque monétaire ne pourra pas continuer, étant donné que les poches des Allemands ne sont pas profondes à l'infini. Oui, d'ailleurs, je me souviens d'un truc. Voilà, donc vous pouvez lire sur le Télégraphe ou Zero Edge. Ouais, d'une crise de pourri avec Laurent à propos d'une anonyme qui s'appelait Poche Profonde. Poche Profonde. Effectivement, c'est le. C'est Angela Merkel, tu sais. Après, c'est pas Gorge Profonde, c'est Poche Profonde. Poche Profonde. On aimerait bien avoir les révélations de Poche Profonde comme Gorge Profonde à l'époque, oui, pourquoi pas. Effectivement. Ah, moi, j'ai vu sur Facebook, là, je sais pas si t'as vu ça, il y a une photo d'Angela Merkel toute nue qui se promène, là, tu sais. Non, j'ai pas vu ça. Non, parce que tu sais, comme tous les Allemands, les Allemands sont extrêmement pratiquants du nudisme. Donc, il y a une photo d'Angela Merkel avec une copine à elle. Elle était pas mal, hein. C'est une vieille photo. Bah forcément. Si tu dis, elle était pas mal. Effectivement. C'est forcément. Hein, bah, ça date des années 70, quoi. Tu vois, elle doit avoir 23 ans. D'accord. Voilà. Non, j'ai pas vu ça. Non, mais en ce moment sur Facebook, je sais pas, je l'ai vu. Je sais pas combien de posts. Voilà. Donc c'était marrant. Alors tiens, puisqu'on va l'information que je voulais donner tout à l'heure, et puis j'ai oublié. Alors à Chypre, hein, eh bien figure-toi que les Chypriotes veulent jeter leur banquier central en prison. C'est pas commun ça quand même. Tu la vois? Je ne l'ai pas sous les yeux là. Attends, alors vas-y, alors dans l'île de Chypre, la guerre entre les grandes familles fait rage. L'ancien gouverneur de la banque centrale, Athanasios Orphanides, va être jeté en prison après que des citoyens ruinés chypriotes aient déposé plainte contre lui. En temps normal, cela n'aurait même pas été accepté, la plainte. Hein. Mais curieusement, là, elle a été instruite. Donc déjà, là, tu vois, c'est... Il y a déjà une différence. Il y a déjà une sacrée différence, tu vois. Complètement. Parce que ça m'étonne, si tu veux, nous, tu vois, demain, on va au commissariat, on dépose plainte contre Trichet. Oui. Ou noyé, tu vois. Oui, oui. Ouais, ça m'étonne que la plainte soit instruite, tu vois, pour avoir ruiné les Français. Hein bon, mais, effectivement. Voilà. Alors, en temps normal, donc... non, ça, je l'ai déjà lu. Alors, mais regardez bien. Monsieur Orphanides n'ira pas en prison. Car il a été remercié les Américains, mais évidemment. Et oui, il est professeur au MIT Sloan School of Management à Cambridge, Massachusetts. Je me suis le prononcé celui-là. C'est un grand papier de Katia Rimini. Hein, vous ne trouvez pas curieux que tous ces anciens gouverneurs de banques centrales européennes qui ont ruiné leur pays deviennent tout à coup tous professeurs aux États-Unis, surtout quand ils ont la justice aux fesses? C'est intéressant, non? Oui. L'ancien premier ministre grec, Mario Draghi, on peut en citer toute une... Comme l'ancien premier ministre grec, par exemple, hein, Papandréou. Hein, donc ils ont bien ruiné le pays, tu vois, donc on les remercie, parce que en Grèce, il ne peut pas traverser Athènes. Il est reconnu, c'est fini pour lui. Ouais, il tombe sur des mecs d'Aube Dorée ou de Syriza, tu vois, un peu excités, tu vois, qui lui font la peau à Papandréou. Hein, et à juste titre, en plus. Hein, voilà, donc tu comprends maintenant pourquoi M. Orphanides a préféré quitter le pays. Oui. Et donc les Américains l'accueillent, le remercient, lui jettent un os. Hein. Oui, merci d'avoir ouvert les comptes de nos citoyens pour qu'on puisse, des citoyens chypriotes, pour qu'on puisse payer dedans. Oui. Les Américains veulent piquer l'or de Chypre. Alors il leur reste, je ne sais plus, 600 tonnes, je crois. Ils veulent piquer l'or, mais le gouverneur central actuel fait tout, il freine des cas de fer. Hein, parce qu'il sait que bon, là c'est chaud politiquement, si tu veux, si tu vends l'or de Chypre, voilà. Mais je l'ai déjà dit ici, mais puisque c'était l'anniversaire de Allende, hein, de la chute de Chili, hein, juste pour rappel, exactement, pour mémoire, hein, que quand la CIA a fait son coup d'État, parce que maintenant tous ces deux documents sont devenus publics, et on sait pertinemment que c'est la CIA qui a fait ça, le 11 septembre en plus. Hein. Oui, exactement, le 11 septembre, avec la complicité d'une autre multinationale qui s'appelle ITT, hein, de téléphone, hein, donc téléphonie. Qu'est-ce qu'ils ont fait une fois que Allende a été tué? Qu'est-ce qu'ils ont fait le lendemain, ou le surlendemain, à ton avis? Et ils ont fait comme les Allemands, les nazis. Des camions à la banque centrale, ils ont pris tout l'or. Aujourd'hui, si tu regardes, le Chili est le pays qui a le moins d'or, alors que c'est le pays qui a le plus de mines. Oui, oui. Tit. Ouais, c'est clair. Tu vois que l'or, c'est le vrai truc, qu'il y a toute une campagne de médiatisation complètement folle en disant que l'or ne vaut pas un clou, hein, si je puis me permettre, alors que eux-mêmes, en fait, ce qu'ils veulent, c'est voler l'or de tous les pays. Ouais, et que c'est de la désinformation totale. Et que même ces coups d'État sont moins politiques que finalement des simples braquages. Pourquoi, quoi, voilà. Pourquoi se précipiter à la Banque centrale du Chili pour voler l'or, hein? Et qui ils ont mis? Qui ils ont mis comme ministre des Finances, la CIA? C'est Naomi Klein qui le montre. Ils ont mis un mec qui a été formé par Friedman. Mais le vrai ministre des Finances, c'était Friedman. Oui. Hein? Voilà. Mais Friedman, on trouve encore des conférences sur Internet. D'ailleurs, c'est intéressant de les regarder, ces conférences de Mais de c'est Friedman, une escroquerie. La théorie économique de Friedmanienne est une escroquerie totale qui ne justifie qu'une seule chose, le dollar ne reposant sur rien. Voilà. Parce que n'oublie pas, en 73, les Allemands, les Américains avaient surtout besoin d'or, hein, parce qu'eux-mêmes s'étaient déconnectés du système en 71. Hein, voilà. Et la loi du 3 janvier 73, hein, voilà, tout ça, tu vois, c'est... Ça se tient, effectivement. Tout se tient, c'est toujours l'or. Les Américains veulent voler l'or des Français. Voilà la réalité. Et c'est pour ça que j'en joins, les Français ne vous laissez pas faire. On peut citer le livre de Pierre-Yves Rougeron que j'ai reçu ici pour parler de ça. Il le montre très bien, il le montre très bien. Je l'ai interviewé, il y a une interview qui est assez marrante là, qui fait un carton d'ailleurs. Il est très bon, Pierre-Yves. Non mais en plus, il a dit un truc. Au passage. Oui, il m'a dit un truc dans l'interview, c'était avant que je parte en Grèce, donc tu vois que ça ne repose pas. Il a dit quelque chose dans cette interview qui est très juste, c'était même prophétique, il a dit... Nous allons voir que critiquer l'Europe va devenir condamnable au niveau de la justice. Hein, oui. Voilà. Oui. Et que toi, tu vas dire que l'Europe c'est de la merde, etc. On va se taper le CSA ou je sais pas quoi. Oui, comme critique au drapeau ou je ne sais pas quoi. Oui, voilà. Ouais, voilà, ouais. Exactement. Blasphème, critiquer l'Europe. Voilà. Insulte au drapeau, etc. Donc insulte à l'Europe. Et donc, tu vas être puni avec de lourdes amendes financièrement. Mais. Qu'est-ce qui s'est passé exactement en Grèce? Ils ont tué Obdoré, enfin, du moins ils ont essayé, ils se sont ramassés. C'est parce que c'est le parti qui a le plus critiqué l'Europe. Hein, parce qu'ils considèrent les Allemands comme des criminels et veulent rendre gorge aux Allemands. Hein. Il faut pas l'oublier. Et c'est pourquoi il y a en ce moment, j'ai une amie qui habite à Londres, elle me dit qu'il y a une campagne énorme menée contre Nigel Farage, campagne de presse, tu vois. T'as une photo de Nigel Farage en train de boire une bière de, tu vois, un pub anglais, donc tu vois, c'est assez banal quand même pour l'Angleterre. Voilà, donc ils ont fait un gros zoom, un découpage, tu vois, pour faire croire que Nigel Farage est un alcoolo. Tu vois l'esprit, hein, voilà. Hein, oui. Et Marine Le Pen, ils vont s'attaquer à elle de la même façon, tu vas le voir. Hein. Tous les partis anti-européens, vont être littéralement démolis, enfin du moins ils vont essayer de les attaquer, de les décrédibiliser. Pour Nigel Farage, heureusement pour lui, en Angleterre, je pense que le fait d'être pris en photo avec une chope de bière, c'est pas ça qui va le décrédibiliser outre mesure. Mais on voit la tentative, en tout cas, on voit qu'effectivement, il est tellement excellent, Nigel Farage, dans ses prestations en Europe, enfin au Conseil européen, que forcément... C'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Hein, voilà. C'est clair. Alors, juste une chose, alors, c'est un truc très marrant. Hein, donc voilà, tout ça, vous l'avez sur quotidien.com, allez-y, vous avez tous les liens. L'évolution des bijoux en or vers 9 carats. Tu l'as ça, tu le vois? Je vais le trouver. C'est tout à l'heure, on parlait de ta bague de fiançailles en carton. Là, tu vois, autant offrir des bijoux en argent plutôt que du plaqué or, ou presque. Monsieur Ramirez, donc l'un de mes lecteurs, nous dit, très surpris, j'ai voulu acheter un bracelet en or à ma femme dans la galerie d'Auchan. Trois bijouteries et j'ai constaté que tous les bijoux en or sont à 375 millièmes, soit du 9 carats. Hein. De 18 carats, ils sont passés à 9 carats. Voilà. Les vendeuses avaient l'air étonnées que je m'en inquiète, ce qui voudrait dire que beaucoup de gens achètent cet alliage en croyant acheter de l'or. Voilà. Alors donc j'avais fait un correctif parce que je me suis planté. Enfin, c'est pas que je me suis planté, je voulais vérifier. Puis à 7h du matin, tu vois, je suis un peu. À 7h du matin, j'ai complètement zappé. Et donc, Dieu merci, les lecteurs l'ont vu tout de suite et donc on l'a corrigé. Voilà, donc le rappel, c'est 24 carats, c'est du 100%. 100% or, 21 carats c'est 87, etc. Donc 9 carats c'est n'importe quoi. C'est, c'est même pas 40%. C'est un or qui ressemble à du cuivre. Quoi. Hein, voilà. Bientôt le 1 carat, tu rajoutes. J'aime. Oui, bientôt le 1 carat, ouais, bien sûr. Hein, voilà, il faut aller chez Tiffany's. Hein, Tiffany's, c'est très sympa, c'est hors de prix, mais c'est très très sympa. Tiffany's, ils ont ouvert une boutique là sur les Champs-Élysées, alors qu'avant ils étaient que sur. Je suis même étonné que Tiffany's ne se soit pas installé en France bien avant. Tu vois, c'est un truc qui m'a toujours épaté. C'est vrai qu'il y en a partout en Angleterre, aux États-Unis. Voilà, Monsieur Ramirez. Donc petit déjeuner chez Tiffany's, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez que votre femme soit contente, parce que là, je vous dis, un bijou à 9 carats, franchement, c'est. Ça le fait pas. Hein. Oui, c'est clair. Il est déjà 5h moins 10. Bon, bah, allons jusqu'à 5h. Allez. Allez, roulons jusqu'à 5h. Très c'est bien. C'est au point on en est. Alors, j'en ai une là juste en dessous. Je pense pas que tu en aies parlé avec Laurent la dernière fois. Quand le plafond bancaire descend, LCL, Banque Postale et Société Générale, on l'a un peu dit tout à l'heure, mais on va enfoncer le clou. Si les Gaulois n'avaient peur que d'une chose, que le ciel leur tombe sur la tête, les Français, eux, voient leur plafond bancaire se rapprocher de plus en plus. Témoin, cette lettre de notre lecteur, Monsieur Gourdon. Mm. Je retire ce jour ma nouvelle carte. À ne pas confondre avec Monsieur Bourdon. Oui, et, ni Monsieur Bourdin, son cousin éloigné. Donc Monsieur Gourdon, je retire ce jour ma nouvelle carte Visa Premier. L'agence me fait signer un papier indiquant un plafond de retrait de 500 euros tous les 3 jours, plus plafond interbancaire de 500 euros. On n'est donc pas dans les clous de ce qui est connu pour des cartes Visa. Bah oui. Et annoncé d'ailleurs sur le site web de ma banque LCL ici. Donc il y a mais tu te souviens toutes les pubs Visa dans l'Express, Le Point, la télé, dépenser autant que vous voulez. Genre jusqu'à 1500 ou 2500 par semaine. Enfin, voilà. Où le plafond annoncé est bien 2500 euros sur le réseau LCL ou 1000 euros sur le réseau LCL plus 500 euros avec les partenaires. Mmh. À ma question, cela fait tout de même 20 ans que je me sers de ce genre d'outils. La personne au guichet me répond que c'est pour des raisons de sécurité. Hein. Toujours la même excuse. C'est toujours la même excuse bidon. Ouais. Les raisons de sécurité. Je lui ai donc répondu, en bon lecteur de votre chronique et autres Zero Edge, que c'était plutôt pour des raisons de manque de cash. Il y a tromperie, non-information, voire demande de validation préalable du client sur l'évolution des conditions d'utilisation. Je n'ai pas le temps d'aller plus loin, informer la DGCCRF. Contrôle des fraudes, là. Tout à fait. Mais cela renforce mon intention de changer de banque, voire de pays, voire de planète. C'est une information supplémentaire qu'il me paraît utile de partager. Je parle de la banque, mais si quelqu'un connaît bien une planète où le banquier est un bon père de famille, je prends tout de suite un billet. Ouais. Et il y a aussi notre lecteur, Monsieur Dumas, qui nous raconte comment la Poste de Neuilly prend ses clients pour des vieux ayant perdu la tête, pour ne pas dire autre chose. Oh, c'est génial, ça. Écoutez bien, ça, c'est excellent. Peut-être souhaiteriez-vous alimenter votre revue de presse d'une ou plusieurs de ces pages de formulaires publics que distribue mon bureau de poste de Neuilly-sur-Seine à ses clients qui auraient la malencontreuse idée de vouloir retirer plus de 1500 euros en espèces. Il semble que la situation sécuritaire de notre bonne ville de Neuilly, se soit dangereusement rapprochée de celle d'une banale zone de non-droit, puisque le client se voit désormais sommé d'attester avoir été mis en garde contre le danger du transport hors du bureau de poste d'une somme supérieure à 1500 euros. Oh les escrocs. Je précise à Neuilly, hein, j'y vais de temps en temps. Devant les banques, vous avez un vigile. Hein, je veux dire, c'est une seule ville où il y a un vigile. Devant HSBC, par exemple, vous avez un vigile. Toutes les banques ont un vigile. Hein, voilà, il n'y a pas que Neuilly. Hein. Voilà, mais en tout cas, Neuilly, vous avez des caméras partout. C'est une des villes peut-être les plus sécurisées de France. Donc, ainsi, pour toucher ces pépettes, il faut courber l'échine et reconnaître avoir été mis en garde comme un enfant, pleinement informé des risques liés au transport ou à la possession d'une telle somme en espèces. Quand tu penses que les Américains donnent des flingues aux aveugles... Oui. C'est vrai que mais tu crois pas. Quand on fait le lien entre les deux... Quand tu fais le lien entre les deux, tu te dis, mais de qui ils se moquent là? Non, c'est vraiment... Ces bandes d'escrocs, attends, ils sont ruinés. Ils sont ruinés, c'est pour ça qu'ils veulent empêcher les gens de retirer de l'argent. Bien sûr. Oh, voilà. Donc il faut être informé donc des risques. Le reste du formulaire poursuit la subordination du client que la banque postale contraint ensuite à confesser avoir refusé la remise d'une telle somme par virement ou chèque de banque. Quand bien même une telle proposition n'aurait jamais été faite par le préposé, avoir porté la mauvaise volonté jusqu'à refuser le fractionnement de la somme et finalement à venir chercher son pécule tel jour à telle heure, sans quoi il devra passer son tour. Bien entendu, le délai effectif de mise à disposition est aléatoire. Oui. De 48 heures à 5 jours ouvrés. Oui, comprenez, la semaine prochaine, on vous téléphonera peut-être. Oui, en fait, la banque postale devrait fusionner avec les casinos par touche, comme ça. Exactement, ah oui, là, c'est vrai que... On ne sait pas trop, tu vois, tu joues ton droit de retraite, tu joues à la roulette. Voilà, c'est ça. Tu sais, tu as 33 numéros, ou je ne sais pas combien, 38, c'est ça. Plus un zéro, donc voilà. Voilà, le 14 est sorti, donc vous viendrez le 14 novembre chercher vos... 1500 euros. Si ça tombe sur la banqueroute, tant pis. Zéro, pas, tu passes ton tour. C'est le mois d'après. Je rappelle quand même que c'est ton argent. Je veux dire que tu peux en faire ce que tu veux. Mais c'est ton argent. Mais non, voilà, c'est pas ton argent. Je t'emmerde, banque postale. Non, mais c'est ça qu'il faut leur dire. Ouais, c'est ça que vous ne vous laissez pas faire. Je vous en supplie, auditeurs, ne vous laissez pas faire par ces enfoirés. Oh là là là là. Je lis la fin du témoignage de Monsieur Dumas. En pratique, il est plus rapide de retirer avec persévérance 1 500 € par jour et pas personne, même pas par compte, jusqu'à atteindre la somme désirée. Ouais. C'est une quasi confiscation. Ouais. Vous citez souvent le manque de liquidité de la Banque Postale pour l'expliquer. Je me demande si ces mesures ne cherchent pas à façonner une habitude moutonnière de la part des clients, peu à peu habitués à ne pouvoir sortir leur cash du jour au lendemain. Oui. L'endoctrinement aidera à freiner le mouvement de panique quand le bankrun se déclenchera. Bah, de toute façon, on a vu qu'ils ont mis en place tous les textes de loi pour empêcher le bankrun. C'est en fait le système chypriote à venir est déjà prévu pour les banquiers français. Hein, voilà. on l'a traité ici avec Laurent. On bloque les comptes un dimanche et personne ne peut retirer. Et puis ensuite, c'est ce qui s'est passé au Panama, par exemple. Hein, la Banque centrale du Panama. puisqu'on parle du Panama. Tu peux regarder un truc là sur YouTube, la Murga. L-A espace Murga. C'est la Murga de Panama, normalement, ça s'appelle. Tiens, on va le passer, c'est drôle. Est-ce que tu l'as, vas-y. Hector... Non, mais passe-le en fond, ouais. Parce Hector que, Lavoie. Puisqu'on va parler de. J'aime beaucoup, c'est un musicien absolument extraordinaire. Tu connais? Non, je ne connaissais pas. Écoute bien, non, c'est très très beau. Enfin, c'est très dansant, c'est tu y es quoi. Tu sais, avec les tchik tchik tchik. La Murga de Panama. Donc, puisqu'on parle du Panama, la banque centrale, la banque du Panama, je vois pas la dépêche là-dedans, mais bon, peu importe, je la donne de tête. Sans prévenir les clients. Bon, allez, monte un peu. Tcha tcha tcha. Donc, c'est la banque du holiday, c'est ça? 5 jours. Non, non, non, non. C'est la banque du Panama. 5 jours fermés au Panama. Écoute les paroles. La Murga de Panama. La banque du Panama était muy facile. De Panama. C'est moins compliqué. C'est très dansant, c'est très sympa ça. Voilà. Et donc, les clients n'ont absolument pas été avertis, les sociétés non plus, personne n'a pu faire les paiements, les virements, etc. Ils ont fermé la banque du jour au lendemain, soi-disant pour des trucs informatiques. Ouais, et c'est du délire. J'ai l'article là sous les yeux. Tu l'as ? Étrange en effet, car à nouveau sans prévenir les clients, ce qui n'est pas habituel avec les mises à jour informatiques. Bon, laissons au Panama le bénéfice du doute informatique. Lire ici la news de Max Kaiser, notre ami Max Kaiser. En effet, la semaine passée, même le système informatique de la Bank of England a eu quelques ratés. La Bank of England a, alors c'est en anglais, hein, a eu des problèmes informatiques, d'origine informatique. Il n'y a pas d'impact critique sur les paiements et les ventes. Attends, tu sais le nombre de fois où le système informatique de la Banque Postale est tombé en panne, tu sais, hein, on l'a chroniqué ici avec Laurent. C'est pendant 3 ans, ça n'arrêtait pas. Hein, oui, tout à fait. Hein, pas de retrait, problème informatique. Revenez demain, revenez la semaine prochaine. Okay. Ouais. Tant que les banques ont des problèmes informatiques, on se dit bon. Mais si le système informatique des banques centrales commence à avoir des problèmes informatiques, alors je te dis pas. Parce que ça bloque tout le reste après, tu sais, en descendant. Si les ordinateurs de la BCE crashent, effectivement, qu'est-ce qui se passe, quoi? Non, mais en l'occurrence, en Angleterre, si parce qu'ils sont pas dans la zone euro, tout à fait. Donc, si la Banque Centrale d'Angleterre est en rade, je veux dire, mais après, c'est la porte ouverte à tout, si tu veux, c'est tout le pays qui s'arrête. Oui, c'est du délire. Non, c'est du délire. Et moi, j'ai toujours dit que vous verrez de plus en plus de pannes, par-ci, par-là, tout ça pour justifier, si tu veux, le... D'ailleurs, combien de fois... Attends, depuis 2 mois, le nombre de pannes qu'on a vues à Wall Street, au Dow Jones, tous les systèmes de cotation, que ce soit matière première, que ce soit l'or, etc., le charbon, enfin, tout leur système informatique était en panne pendant 2 heures, 3 heures, enfin, les mecs... Mais en fait, c'était pour masquer, si tu veux, pour arrêter. Hein, on a vu que Goldman Sachs s'était planté quand l'action Apple est descendue sous les 500. Goldman Sachs a perdu 400 millions de dollars. Comme par hasard, ils ont arrêté les cotations. Et tous les achats-ventes ont été annulés. Ce qui a permis à Goldman de récupérer ses 400 millions. Oui. On se demande qui a le doigt sur le bouton. Hein. Attends, Lloyd Blankfein, il fait bien le travail de Dieu, faut pas déconner. Ça, hein. Voilà. Donc, l'aide en envoyant la foudre sur les bons serveurs au bon moment. Oui. La foudre, t'as raison. C'est intéressant puisque tu parles souvent, tu fais souvent la métaphore de la planche à billets, le fait qu'on imprime des billets. Hmm? Mais en réalité, on n'imprime même pas de billets, c'est virtuel, tout est informatique. Donc, c'est. une impulsion électronique, je veux dire. Bah, la question a été posée, on l'avait donnée avec Laurent il y a à peu près 15 jours, 3 semaines. Quelqu'un avait posé la question à Ben Tarzan. Et Ben Tarzan lui a dit, est-ce que j'imprime les billets? Pas littéralement, a-t-il dit. Pas littéralement, c'est je ça. Je ne suis pas littéralement en faillite, mais on y ça. Est. Mais virtuellement, on y est complètement, oui. C'est ça. Écoute, hein, donc voilà, bah, c'était notre première revue de presse ensemble, formidable, donc ça s'est bien passé. Oui, voilà, très bien. Merci à toi, Pierre. Bon, on va se merci quitter à toi. Je suis pour le remettre. La Mourga des Panama. La Mourga des Panama, c'est ça. Écoutez bien, c'est vraiment très très beau. Tu peux redonner le nom de l'artiste Oui, c'est Hector Lavoe. Voilà, je vais le remettre au début, comme ça vous allez pouvoir l'entendre. Hector Lavoe, la Mourga des Panama, salsa dura. Voilà, donc, mes amitiés à tous les clients de la Banque du Panama. Oui, et on souhaite bien du courage. Merci beaucoup, Pierre. À dans et un c'est mois, la fête donc, des anges gardiens aujourd'hui. C'est la fête des anges gros gardiens. Bisous à votre ange gardien. Bisous à toutes et tous. On se retrouvera donc le premier mercredi de chaque mois, tous les deux, pour cette revue de presse. Oui, enfin, tu sais, moi, en fonction des déplacements, tout ça. Évidemment, on pourra s'arranger s'il y a besoin, évidemment. Merci beaucoup, Pierre. À très bientôt. Vous êtes sur Radio ICI maintenant, 95.2 FM, et je vous laisse avec Hector Lavoe, la Mourga de Panama. C'était Pierre Jovanovic, revue de presse économique internationale du mercredi 2 octobre 2013 sur Radio ICI et maintenant. Pour obtenir le programme de cette radio, allez sur leur site officiel radioiciemaintenant.fr. Pour voir cette émission en vidéo, ainsi que les anciennes, puisque chaque émission est enregistrée en webcam, allez sur leur site officiel d'hébergement vidéo dont voici l'adresse, rim951.fr. Je répète, rim951.fr. Rim, comme radio ici et maintenant. Et 951, comme 95 points. La fréquence de la radio sur Paris-Île-de-France. Fichier audio fourni par MP3 Résistance. MP3 Résistance fournit en version audio des documents médias originellement en vidéo. Conférences, interviews, émissions radio. Tous les propos nationalistes, patriotiques et divers programmes de réinformation. L'information à l'encontre de la pensée unique du système, c'est-à-dire de la matrice. Allez visiter le site MP3 Résistance. Tapez sur un moteur de recherche, MP3 Résistance. Récupérer en format audio, MP3 et autres extensions, des entretiens et émissions longues, c'est gagner du temps. Du temps pour se réinformer. Du temps pour passer à l'action.